toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission mensuelle où on se retrouve entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 24 enregistré le 4 mars 2016. Je suis Axel, un des autres qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais je ne suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes deux côtes durant cette émission, en commençant par Eddie puisque tu n'étais pas là le mois dernier pour le podcast numéro 23. Salut. Salut. Ça va? Ça va. D'accord. Et Morgane, salut. Bonjour. Ça va? Je reste bloqué sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, on a des gros soucis d'internet, donc si. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, à part ces problèmes, est-ce que vous avez passé un bon mois de février? Magnifique. Le meilleur mois de février depuis l'année dernière. Et l'année d'avant aussi. Je voulais la faire. Ouais. Non mais c'est vrai, magnifique. Non mais au niveau plus cinéma, que le mois de février, c'est un magnifique début d'année, j'ai envie de dire. Exactement. C'est vraiment la 2016, je trouve qu'il. On démarre. On en parlera. Force. Bon, on a aussi des balles d'aube, mais voilà. Oui. Il y a des films pour contrebalancer. Hein. Ouais. Soyons optimistes quand même. Voilà, c'est disons ça. Qu'on a quand même un meilleur démarrage d'année que l'année dernière, qui était un peu triste, je trouve. Ouais. Malgré 2-3 films, il y avait It Follows, Kingsman, mais à part ça, il n'y avait pas. Mais là, on a quand même. Enfin, j'ai au moins 5 gros films coup de cœur depuis janvier, ça fait plaisir. Mmh, ouais, exactement. On va avoir un programme extrêmement chargé pour ce mois-ci parce que il y a énormément de films qui sont sortis en février et on a dû se contenter de 2 films du mois et on aura quelques coups de cœur, coups de découverte. Donc on commencera avec notre premier film du mois qui est Steve Jobs. Ensuite, on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes où on va parler entre autres de Deadpool, Spotlight, Revenant, Free Love et d'autres surprises encore, ça promet d'être assez... En fait, là tu cites les films dont Eddie va parler et toi, moi, t'as même pas cité un de mes films. Déçu. À part The Revenant, Ami Public et Deadpool, mais... Ouais. T'as dit Ami Public. Oui. Ah oui, bon autant pour moi, désolé. Donc voilà, et le deuxième film du mois, ce sera Zootopie, voilà. Donc, De Disney. Exactement, le dernier Disney. Donc on va vous parler de tout ça. On va commencer direct parce qu'on va le programme est super chargé et on va essayer de pas faire un podcast qui dure 2h30. Voilà, pour notre sanité, sainteté d'esprit. Voilà. On commence avec le premier film du mois sur Steve Jobs. On commence avec le premier film du mois qui est Steve Jobs, réalisé par Danny Boyle, avec un scénario d'Aaron Sorkin d'après la biographie Steve Jobs de Walter Isaacson, que je vais d'ailleurs écouter prochainement en audiobook, petite anecdote, parce qu'il a l'air super sympa. Enfin, le film m'a donné envie d'écouter le bouquin. Le film est sorti aux États-Unis le 9 octobre 2015 et en France le 3 février 2016. Donc voilà, il y a quand même un certain écart. Très disponible sur internet depuis le décembre 2015, exactement. Je crois. On retrouve à la distribution Michael Fassbender pour jouer Steve Jobs. Michael. Ouais. Et d'ailleurs, on va continuer à parler vu que voilà. Eddie a bugué au moment. Donc je crois que alors soit il a bugué, soit il s'est barré. Non, mais il en a eu marre en fait. Il en a eu marre déjà. 3 secondes avec moi. Qui fanboy sur Fassbender, c'est trop. C'est trop. Donc on retrouve aussi Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg, Catherine Waterson. Et puis après, il y a aussi d'autres acteurs qui sont pas connus vraiment. Donc voilà, il y a trois actrices différentes qui jouent la fille de Steve Jobs. Donc oui. Voilà, c'est une anecdote. Dont l'une d'entre elles est comment elle s'appelle dans Kill Bill, la fille d'Uma Thurman dans Kill Bill, Perla qui était toute petite. Jardine. Exactement, qui était toute petite dans Kill Bill, mm-hmm. Et qui là maintenant est grande. Ouais, qui est grande. Ouais. C'est ça la croissance en fait, c'est le but des croissances. Voilà. Je pense qu'on a tous les trois aimé le film. Eddie vous dira son avis quand il sera de retour. Il reviendra. Voilà. Il est parti assassiner Michael Fassbender en disant: qu'est-ce que t'as fait à Morgan, toi? Exactement. Donc oui, justement, comme Steve Jobs parle des coulisses, et nous on vous parle aussi des coulisses du podcast. Et donc Eddie est revenu, ouais. C'est moi en Eddie fait. Qu'on peut appeler The Revenant. C'est lui. C'est moi, Leonardo DiCaprio en fait. Ouais, t'aurais dû gagner l'Oscar. C'est à lui qui va revenir l'Oscar. C'est ça. Donc voilà, on était en train de parler justement du casting rapidement. Enfin, je disais juste le nom des personnes qui jouaient. Je disais juste aussi que Perla Anne Jardine était la fille, jouait la fille de Steve Jobs, adulte, ado, donc qui avait joué dans Kill Bill. Voilà, c'est juste, cinématographiquement parlant, elle a des parents parfaits, cette actrice-là. Uma Thurman comme maman, Michael Fassbender comme papa, c'est génial. J'aimerais trop être à sa place, moi. Bon, en même temps, elle a un père un peu tyrannique et une mère tueuse à gages. Bon, ouais, c'est sûr que c'est pas... c'est pas franchement les deux figures parentales dont tu rêves pour ton équilibre. C'est ça. Mais bon. Voilà, Steve Jobs, c'est... je pense que vous le savez déjà, mais bon, enfin, si vous avez vu la bande-annonce, que c'est un film découpé en trois parties, une qui se passe en 1984, en fait, qui se passe à chaque fois à une conférence, à une keynote en fait d'Apple. La première, c'est pour le Macintosh 128K en 1984. Ensuite, c'est pour la compagnie Next Computer quand Steve Jobs s'était fait virer de Apple. De toute façon, on peut pas spoiler un film biopic, c'est pas trop possible. Donc, encore moins sur Steve Jobs, voilà. C'est tellement connu. Donc Next Computer en 1988 et la dernière partie, c'est sur la révélation de l'iMac en 1998 et son retour en tant que CEO de Apple. Donc voilà, juste pour vous faire un peu le pitch rapidement. Donc on va peut-être commencer par Morgan, puisque je pense, enfin, t'es celui qui a, je pense, le plus aimé parmi nous. Et moi j'avais envie qu'on commence par Eddie parce que je veux qu'on termine par la vie le plus dithyrambique. D'accord, ok. Donc ce qui sous-entendrait que le mien n'est pas dithyrambique du tout. Si, mais le plus, c'est-à-dire. Non, mais c'est-à-dire que. Faut l'avouer, je vous saoule un peu avec Steve Jobs quand même. Je parle que de ça depuis que je l'ai vu. Avec X-Files. Oh, X-Files, c'est encore modéré. Non, mais par rapport aux Oscars, tout ça. Ah oui, bon, je l'ai encore dit au départ que pour moi, c'est Fassbender qui devait l'avoir. Je comprends pas. Enfin, ils ont pas bon goût, les académiciens. Je suis désolé. T'en es pas encore au niveau de tous ceux qui nous saoulent avec Mad Max et The Revenant et les compagnies. Ouais, mais justement, je fais dans l'originalité. Je soutiens un film qui a été un bide monumental. Ouais, c'est ça le pire. C'est que j'ai l'impression que personne n'a vu ce film, en fait. À part les cinéphiles qui savent qui est Aaron Sorkin, qui adore Aaron Sorkin, puisque Social Network, etc. Mais à part ça... Non, mais c'est même que le film, en termes de reconnaissance, il a rien eu. Bon, on parle des Oscars, Fassbender a été nominé, mais même dans la catégorie meilleur scénario, Aaron Sorkin n'a pas été nominé. La BO, elle est exceptionnelle dans le film, on va en parler après, pas de nomination, ni meilleur film, ni réalisateur. Il y a juste Kate Winslet et Michael Fay encore. Kate Winslet, elle est repartie bredouille, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que le film. Elle a eu le Golden Globe, quand même. Le Golden Globes, ouais, mais c'est vrai que. Non, le film, pourtant, c'est un monstre. Enfin, pour moi, c'est un monument, déjà. Et il a pas eu la reconnaissance méritée. Je pense que son bide n'a pas aidé. Le fait, surtout en France, qu'il avait déjà fuité sur le net, il était disponible en streaming. Dès le mois de décembre, il avait déjà vu. Donc, moi, j'ai joué le jeu. J'ai dit non, j'attends la sortie ciné. Quoi. Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas un effet on a déjà sorti un film sur Steve Jobs en 2013, l'année de sa mort. On se dit, bon, ça sert à quoi de faire un autre film sur Steve Jobs? On a déjà vu ce que c'était. C'est ça le problème aussi. Voilà. Sans parler de ceux qui sont, moi, le premier, qui sont pas du tout clients du cinéma Danny Boyle. Moi, honnêtement, tiens, souviens-toi, tu m'en avais parlé, Axel, sur mon mur Facebook quand j'avais posté l'affiche en disant mais faut que ce film sorte. Ouais, m'avait dit il était où cet enthousiaste. Je sais quand pas on en pourquoi... parlait dans Parlons Cinéma tu disais bon enfin tout, vous parliez ouais bon ben ça a l'air sympa mais voilà, c'est pas non mais je voulais même pas qu'il se fasse. Je disais en plus le ça a été un projet compliqué parce qu'à la base ça devait être Fincher qui devait le faire avec Christian Bale dans le rôle moins bien parce que Christian Bale est moins un bon acteur que Fassbender. Non mais après je attends dis pas ça trop fort, il va te coller une patate. Même pas peur. Je pense que si Fincher ne l'a pas fait, déjà c'était pour Dragon Girl déjà. Et deux, je pense qu'on y aurait reproché. Ouais, il a bien fait. Il a bien fait, et mais c'est surtout, je pense, que les critiques auraient reproché un côté « Ah ouais, Social Network, ça a marché, tu fais l'acte 2 avec... Mm-hmm. » Enfin, je pense que c'était judicieux de... Voilà, et puis Nathalie Portman devait jouer le rôle de Kate Winslet, finalement, assez barré. Enfin, ça, ça a été un tournage, mais assez... Enfin, ça a été un casting, enfin, des recrutements un peu chaotiques. Le film a été compliqué à se faire, et j'avais un peu peur, moi, parce que je me suis dit, le film, il est tellement... C'est tellement le bordel à la production que je pense qu'ils savent même plus ce qu'ils vont en faire. Et finalement, quand on m'a dit, bah non, mais Aaron Sorkin est au scénario, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et quand j'ai vu, parce que moi j'avais pas vu la bande-annonce à l'époque où c'est sorti, et une fois j'étais au cinéma et j'ai vu Michael Fassbender sur une affiche, j'ai fait, waouh! Et j'ai fait, mais ah ouais, d'accord. Et du coup, j'ai tapé un peu sur, à droite à gauche, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, wow. Et voilà. Du coup, je l'ai attendu et j'adore. Mais je te laisse en parler, Eddie, vas-y. Oui. Mais en fait, moi, je partais pas ultra confiant. En fait, j'y croyais pas tant que ça. Et puis, c'est pas non plus le sujet qui me passionnait vraiment. Et finalement, j'en suis ressorti surpris. Mais dans le bon sens du terme, j'étais agréablement surpris. Parce que ça fonctionne sur plein de points, en fait. Ça fonctionne surtout très très bien au niveau de l'écriture. Le film est vraiment bien. Et après, ça marche vachement bien aussi. Enfin, du coup, l'écriture et la... L'écriture, elle est vachement bien au niveau des personnages, dans le sens où elle fait pas de Steve Jobs un saint, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'aurais pas voulu voir du tout, c'est en faire l'éloge constamment. Enfin, je trouve que ce qui est bien, c'est que le film montre vraiment les deux facettes, en fait, d'un génie, en gros. Il y a son côté maniaque, tyrannique... prétentieux, enfin très désagréable et complètement complètement antipathique du coup. Et puis d'un autre côté, t'as celui du père qui finalement veut pas vraiment être père, mais il s'y sent un peu obligé. Finalement, il finit par comprendre. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont plutôt bien amenés. Et dans tous les cas, ils en font pas un saint, en fait. Ils montrent vraiment toutes les capacités du personnage, que ce soit son potentiel de création, le nez pour vraiment repérer les bons coups, les machins. Donc ça, c'est vachement bien. Mais c'est pas pour autant qu'il nous le rende sympathique. Et je trouve que ça, c'est bien, en fait. Ouais. Voilà. Et puis du coup, Fassbender est très bien dans le rôle. Et puis avec Kate Winslet, très bien aussi dans le sien. Après, de là à avoir un Golden Globe, je sais pas. Alors c'est très surprenant de ma part de dire ça de Kate Winslet parce que je l'adore. Oui. Mais bon, elle est très bien comme d'habitude, quoi. J'ai envie de dire. Donc, c'est pas elle qui m'a le plus marqué dans le film, même si elle fait vraiment bien son boulot. Elle a de bonnes scènes et tout. Elle fait bien son Jobs. Exactement. Ah non, c'est Michael. Faut dire ça de Michael. Et puis après, il y a l'autre acteur aussi qui est connu. Seth Rogen. Non, parce que Jeff Daniels. Jeff Daniels, ouais, surtout. Parce que c'est trop bien, il a pas un rôle énorme non plus dans le film. Non, mais ça fait plaisir de le voir plus sérieux. Mais ouais, en même temps, s'il faisait des trucs, de toute façon, l'interview qui tue, ça aurait été problématique. Moi, j'aurais bien voulu voir Steve Jobs, Steve Wozniak fumer un joint, quoi. Oui, pourquoi pas. Non, mais... donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment c'est plus en sorte un genre de biopic chronique un peu, parce qu'on va pas on refait pas toute la vie du personnage, et ça c'est bien. C'est la plus grande qualité du film. Voilà, et c'est vrai que ce choix de montrer que quelques moments précis et du coup de centrer la narration là-dessus et de la structurer avec ça aussi, je trouve que c'est une bonne façon de le faire. Et puis Danny Boyle, pour une fois, côté mise en scène, je trouve qu'il propose des trucs intéressants. C'est sobre, mais c'est vachement bien. Oh là là, et il y a une adéquation vraiment parfaite avec la musique aussi. La musique, oui. Et voilà, c'est un vrai bon biopic. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il se soit cassé la gueule comme ça. Ouais. Mais non, franchement, c'était très bien. Et pour le moment, il est en bonne tête dans mon classement 2016. Même bon, en tout premier, il est pas rempli pour le moment. Non, il est pas premier. Hein? Mais il y a pas vraiment de premier pour le moment. Hein. J'ai vu que 5 films, donc c'est compliqué. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que commencer l'année avec des films comme ça qu'on n'attend pas forcément en plus, hein, pour ma part. Oui, c'était une surprise pour toi. Voilà. Donc ça fait plaisir, en fait. D'accord. Bah, d'ailleurs, je voudrais rebondir justement sur Danny Boyle et sur la mise en scène, parce que j'ai regardé quelques interviews après avoir vu le film, parce que le film m'a passionné en fait, mais et j'ai appris que les trois séquences différentes, il les a filmées de trois manières différentes. Donc pour celle de 1984, il voulait donner un style bien 1984, donc il a filmé en 16 mm. Ensuite, pour la 1988, il a filmé en 35 mm, et pour l'IMAX, il a filmé en numérique. Et il y a des petits détails comme ça aussi au niveau du décor et tout ça qui font que la mise en scène de Danny Boyle fonctionne vraiment sur ce film, je trouve. Oui, c'est ça. Bah, est-ce qu'il y a des vrais choix artistiques en fait? Donc, puis ça, enfin, ça se sent, hein, Au niveau de la même. lumière, c'est magnifique, hein, c'est vraiment Ouais, super. vraiment. Ouais. Bah, même au niveau des maquillages, des costumes, je trouve que ça rend bien, quoi. Ils arrivent à vraiment à enlaidir Kate Winslet, parce qu'elle est vraiment pas belle dans le film. Ce Je la trouve qui belle, moi. Ah non, pas dans ce rôle-là, hein, franchement, Moi, non. tu hein. Non, ah non. Pas en 1984, en tout cas. Oui, voilà. Oui, mais dans la scène de fin, elle est magnifique. Oui, mais comme d'habitude, mais bon, enfin, je veux dire, il y a un vrai travail. Et en fait, le film est très travaillé sur beaucoup de points essentiels, donc forcément, ça fonctionne. Oui, donc pour qu'est-ce que oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, Steve Jobs, j'ai jamais, enfin, je suis ma deuxième passion à part le cinéma, c'est la technologie, etc. Et j'adore vraiment les ordinateurs, etc. Et pour moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec le statut de génie de Steve Jobs, adulé comme ça par des millions de personnes, alors que la phrase qui m'a le plus marqué dans le film, c'est Steve Wozniak, qui est d'ailleurs pour moi enfin, la personne qu'on aurait dû on aurait dû se centrer on n'aurait pas dû centrer ce film, mais Apple aurait dû plus se concentrer sur ce personnage, je pense, que sur Steve Jobs, puisqu'il est plus talentueux, je pense. Et il disait ouais, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais pas coder, tu sais pas monter des pièces sur des ordinateurs, tu sais rien faire. C'est juste faire du marketing. Et bon, d'accord, c'est sûr que ça, c'est la plus grande qualité de Steve Jobs, mais voilà. J'ai Bah, il toujours le eu un dit bien lui-même dans le peu. film, hein, il dit les musiciens jouent d'un instrument, moi je Moi, je suis chef joue le chef d'orchestre. d'orchestre, voilà, c'est ça. Et Donc voilà. ça veut tout résumer, hein. Voilà. Mais bon, les personnes qui font passer pour un génie de l'informatique, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Oui. Voilà. Donc, c'était juste un petit point, Mais c'est pour c'est ça. les personnes qui sont persuadées aussi que. Enfin, moi je l'ai mis dans ma critique, j'ai pas honte, voilà, hein, j'assume complètement. Hein, c'est ceux qui sont persuadés que bah, leur iPhone 6, c'est un changement énorme Voilà, par c'est ça. rapport au 5, alors que non, il est juste plus grand Exactement. et c'est. Et Voilà, faut. C'est bien huilé, quoi, Apple. C'est un bon piège à pigeon, quand même. Hein. Il faut dire ce Exactement. Un peu mal qui. huile. Non, mais c'est vrai, parce que. Il faut dire ce qui est. Parce que le téléphone qu'on paye 600-800 euros, on peut. Bah, puis maintenant, c'est les moins chers, hein, voilà. 600-800 euros. Hein. Les composants valent à peu près 200-180 euros. C'est ça, Donc donc. voilà, faut le savoir quand même, c'est pas non plus. Mais c'est justement ce qui est marrant avec Apple, c'est que en 1984, justement, ils montraient la pub dans le film. La pub qu'ils avaient passée au Super Bowl avec la personne qui était censée libérer tout le monde de ce monde dystopique de 1984. Justement, Apple, c'est devenu un peu le Big Brother de notre société moderne, quoi. Donc, où tous les fans vont vers les Apple Store pour aller acheter le nouvel iPhone, nouvel Mac, etc. Oui. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, et c'est aussi expliqué, enfin c'est aussi un peu implicite dans le film, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, la réalisation, j'ai vraiment adoré. Le casting est vraiment excellent. Moi, Seth Rogen, j'ai adoré, même s'il n'a pas beaucoup de scènes en tant que Steve Wozniak. Et bon, après, le véritable Steve Wozniak, il a dit que. Il y a eu quand même quelques exagérations au niveau de son personnage. Il demandait pas à chaque fois à Oui, Steve Jobs de c'est vrai. recevoir les voilà, enfin de recevoir C'est vrai que c'est un peu. les mérites à propos C'est de un peu le l'Apple 2, côté etc. balourd du film. Il y a des petits moments comme ça, mais bon, ça reste léger, donc Voilà, ça c'est va. ça. Mais donc les traits sont un peu grossis, mais en même temps c'est un peu justifié avec la mise en scène, je trouve, parce que ça fait très bon, c'est banal ce que je vais dire, hein, mais c'est très théâtral en fait. C'est une pièce de Bah théâtre là, qui se passe. dans les dernières 40 minutes, il y a un affrontement entre les deux, enfin verbal, Ouais, c'est du Shakespeare, hein, qui ouais, fonctionne très clairement. très bien. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin, mais Fassbender a joué Macbeth. Exactement, c'est un grand, c'est le meilleur. Comment? C'est un grand, c'est le meilleur. Donc voilà, Seth Rogen, Jeff Daniels aussi est dans son rôle, est très, il est très très, très bon, bon ouais, hein, Jeff Daniels. Très, très hein. bon. Mais il joue dans The Newsroom d'ailleurs, c'est une série de Aaron Sorkin, qui est écrite par Aaron Sorkin. J'ai pas vu la série, mais apparemment elle est super. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Et il est très très bon dans ce rôle. Et le rôle de financier, de PDG, ouais, tout ça, je trouve que ça lui va bien parce qu'il était très bien dans Seul sur Mars aussi, je trouve. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça change de Dumb and Dumber. Hein. Dumb and Dumber, ouais. Ah, forcément, ouais. Ah oui, ouais. Mais c'est tout faire lui quand même, hein. il est à l'aise partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Le scénario est excellent, les dialogues sont magnifiques, hein. Franchement c'est passionnant de bout en bout. Même pour ceux qui connaissent pas la technique, etc., je pense qu'on peut quand même rentrer dans le film, mais c'est sûr que quand on connaît un peu les aspects techniques... C'est très verbeux quand même, je pense que ça peut perdre beaucoup de gens, mais... Exactement, c'est pour ça que je pense que le film n'a pas si bien fonctionné que ça. Ça fait partie des reproches qui lui ont été faits, hein, que ça parlait beaucoup... Voilà, pour moi c'est sa force, mais... Aussi, je trouve que c'est ce qui rend le film passionnant, justement, mais... Ouais. Justement, et qu'est-ce que je voulais dire encore mince, maintenant j'ai perdu ce que je... C'est pas grave. La musique aussi, on en a pas encore parlé. Je l'ai pas vraiment remarqué. Morgane m'a dit juste avant qu'il l'a réécouté et qu'elle était vraiment excellente. Faudrait peut-être que je la réécoute. Moi en fait, je trouve qu'elle fonctionne bien avec le film. En background, quoi. Ça a pas l'air d'être. C'est comme si, le Social Network. J'aime beaucoup la musique, mais c'est pas un truc que j'écouterais. Comme ça pour me faire plaisir, quoi. La musique de Steve Jobs, pour moi, elle enterre celle de Social Network à des années-lumière. Hein. Ouais, alors que tu vois, c'est Trent Reznor, hein, Trent Reznor. Ouais. Qui a fait sur Social Network. Autant, c'est vrai que celle de Social Network, je ne la retiens pas énormément, même s'il y a des morceaux qui, évidemment, reviennent comme ça. Mm-hmm. Je retiens plus, par exemple, celle de Gone Girl. Ouais. C'est alors que bon, il y a pas de, parce que dans Social Network et dans Steve Jobs, t'as ce côté un peu mécanique de la musique en fait, qui appuie vraiment les actions, les intentions, même si du coup Social Network était plus nerveux dans la narration que Steve Jobs, parce que parce que Mark Zuckerberg et puis parce que Jesse Eisenberg lui confère vraiment cette énergie aussi. Et en fait là, Daniel Pemberton, il fait vraiment, je trouve, il fait quelque chose de bien, mais qui fonctionne vraiment qu'avec le film. Du film, je sais pas, pas si d'accord. Moi, je trouve que ça me percute pas. Je suis pas d'accord. Je pense que ça dépend des musiques, mais il y a une musique en particulier à laquelle je pense qui s'appelle Revenge, qui est celle qu'on entend au moment où il s'engueule avec Jeff Daniels et que la scène est montée en flashback. Dans le film, déjà, la musique m'avait pris au trip. Je l'ai réécouté là, dimanche, là, pendant la journée des Oscars et tout. Et du coup, je trouve que la musique, elle est juste mais exceptionnelle. Elle tourne en boucle dans ma playlist. Je trouve que la musique fonctionne même indépendamment du film. Ouais. Après, c'est peut-être parce que je l'ai un peu écouté 3, 4, 5, 6 fois. Donc, j'ai un peu forcé aussi. Hein. Je voulais juste finir en disant que vous n'avez pas à connaître vraiment l'informatique pour rentrer dans le film. Je pense que même s'il y a quelques aspects techniques, c'est assez compréhensible. Mais c'est sûr que quand on connaît un petit peu l'informatique, etc., on prend un peu plus de plaisir avec tous ces échanges verbales qui sont vraiment super bien écrits. Voilà. Moi, c'est tout après, ce que après, ce qui est bien dans le film aussi, c'est que c'est vrai que le personnage de Steve Jobs, du coup, nous présente vraiment ses produits comme des révolutions, la fameuse phrase qui était reprise après dans Les Guignols. Moi, j'ai pensé à ça, de toute façon, pendant tout le film. Donc, c'est une révolution. C'est ça. Et en fait, ça reste que des gadgets. Hein, un ordinateur qui peut dire bonjour, ça tient plus du gadget que de la révolution. Mais du coup, Danny Boyle, en fait, dans sa manière de présenter la chose, on sent qu'il est conscient du côté gadget de ce qu'il présente, mais il arrive à rendre ça beau en fait. Ouais. Si bien que c'est plus des gadgets finalement, mais ça devient un peu des œuvres d'art. Je vais juste finir, après on laissera la parole à Morgane, pour dire que j'ai entendu quelques interviews d'Aaron Sorkin qui disait qu'il n'y connaissait rien du tout en informatique, quand il a fait Social Network et même quand il a fait Steve Jobs, il connaît rien en informatique, il sait à peine faire marcher un ordinateur. Et ça me rend, enfin, j'arrive pas à comprendre comment ce mec il peut écrire des dialogues aussi géniaux en n'y connaissant rien à l'informatique. Ça me paraît complètement dingue, mais c'est à mon avis c'est ça le talent, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur Steve Jobs. Donc moi je vous le conseille énormément, ça parle, faut être dans le bon état d'esprit, faut pas être fatigué, mais c'est un bon film à voir, je pense. Voilà. Mm-hmm. Morgane, à toi. Alors, parmi moi les 33 films que j'ai vus cette année pour l'instant, Steve Jobs, oh là là, il se la pète parce qu'il a carte tout en... bah, je me la pète. Il est tout en haut, mais il est en top 1 du top 1 du top 1 du top 1. Comme je l'ai dit, c'est un projet, j'ai commencé par m'en foutre totalement. Mmh. Je suis passé par la case « je m'en fous », ensuite je suis passé par la case « je n'y crois pas », et il a suffi que je voie une affiche pour me dire « ok, ça m'intéresse », que je vois la bande-annonce pour me dire « ok », et que je me mette en tête que c'était Aaron Sorkin au scénario, et je pense que ça fait toute la différence. Mmh. Pourquoi ? Parce que je trouve déjà que déjà c'est pas un biopic, on va dire, consensuel et académique sur Steve Jobs, ouais. Parce qu'à aucun moment le film n'est construit comme un biopic, même à la fin, mm. On a toujours dans les biopics à la fin la fameuse étiquette où on nous raconte, oui. Après avoir passé 20 ans machin avec sa femme, Steve Jobs, on sait qu'il est mort d'un cancer, etc. C'est mentionné nulle part. Magnifique. Oh, on m'en parle pas. J'avais la chair de poule. Moi aussi. Et du coup, c'est ça qui fait toute la différence, c'est que c'est pour moi les biopics c'est un peu casse-gueule dans la mesure où un biopic soit il faut que ça parle à des gens qui sont passionnés par le sujet, mmh. Ou soit ça parle à des gens qui sont curieux. Moi, ni l'un ni l'autre, je suis pas passionné par Steve Jobs et j'étais pas curieux non plus de l'histoire de Steve Jobs, pour ainsi dire, je m'en fous totalement. Mais le film, à aucun moment quand j'ai regardé le film, je me suis dit c'est une histoire vraie, c'est pour moi c'était de la fiction pure. C'est vraiment le portrait d'un mec qui est, on va dire, humble lui-même, mais je trouve pas, parce qu'en même temps, j'ai pas l'impression que Danny Boyle, j'ai l'impression qu'il héroïse pas, mais en même temps, il en fait pas une figure détestable pour autant. Je trouve que le film, il est extrêmement objectif et il laisse vraiment le choix au spectateur de se dire, est-ce que Steve Jobs était un con ou est-ce que c'est un mec au grand cœur? Moi, j'ai envie de dire, je suis un peu partagé. D'un côté, je me dis qu'effectivement, dans le monde du travail, enfin d'un point de vue boulot, c'était assez discutable la façon dont il a de parler et de gérer un peu son équipe. Il est exigeant, il veut une chemise blanche. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont discutables, mais en même temps, humainement, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant avec les personnes qu'il appréciait. Justement, ce qui est vraiment magnifique à regarder dans le film, c'est comment il parle au personnage de Kate Winslet quand il lui dit mais pourquoi on n'a jamais couché ensemble. En fait, tu es ma femme du bureau. En fait, jamais, il a jamais ressenti la moindre attirance sexuelle pour elle. Pourtant, il pourrait parce qu'il a du pouvoir et parce que c'est obligé que même elle, je suis sûr qu'elle est en admiration devant lui. Mais lui, extrêmement bienveillant et l'histoire avec sa fille, et je trouve hyper passionnant. Mais même elle est en admiration devant lui, tout en sachant que c'est quand même un gros con. Mm. Qu'il a quand même un caractère de merde. Et en fait, c'est ça qui transpire du film. Et je trouve que ça fonctionne bien. C'est ok, il y a ce côté génie, mais en même temps, c'est pas quelqu'un. T'as pas envie d'être pote avec lui, quoi. Tu sens bien qu'il est pas. Ah, moi, carrément, moi. C'est tout à fait le genre de personne avec qui j'ai pas envie de parler. Oui, mais c'est Fassbender qui le joue. C'est Fassbender. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais honnêtement, à aucun moment, je me suis dit, à aucun moment, j'ai vu que Danny Boyle le disait ou le faisait comprendre que Steve Jobs était un con. Moi, je trouve qu'il est exigeant et que c'est au détriment de. Finalement, ses qualités humaines. Et je pense que il est comme ça malgré lui. C'est pas que... et le plan final le résume très bien. Je vais pas oui, le spoiler. Il s'en rend pas trop compte. Ouais, mais... Il se rend pas compte. Et justement, je trouve mais que c'est extrêmement drôle aussi. La façon dont le personnage aussi se fait son quelqu'un sa propre. Quelqu'un qui est pas capable de prendre du recul sur ce qu'il dit aux autres, c'est. Oui. C'est compliqué, mais voilà. Je pense qu'il le sait. Il y a un dialogue dans le film qui résume bien. C'est quand il dit mais pourquoi à chaque fois qu'on fait une présentation on s'engueule avant. Et ça c'est ça à chaque fois parce que c'est un film de coulisses. Hein. Tout se passe dans les coulisses. C'est ah oui, des c'est personnages pas les, qui c'est pas la présentation qui prône dans oui, le voilà. film. Hein. Ah bon non. Voilà. Ça s'arrête, hein. Les présentations c'est ce qui conclut un acte en fait. Oh, bah, les présentations, c'est ça qui est génial. C'est 5% du film. Hein, même. Bah, c'est 5% du film. En fait, on s'approche de plus en plus de la scène au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. C'est... Ouais. Bah, ce qui est drôle, c'est que c'est même pas frustrant, en fait. Ouais. Ouais. Parce, non, que, parce que pourtant il fait monter la pression jusque voilà et finalement au lieu d'exploser à la au lieu que ça explose à la présentation ça explose avant lorsqu'il s'engueule avec quelqu'un. Ouais. Et justement ce que tu disais sur Steve Jobs, ben on se fait son propre avis. Je trouve qu'il le fait sur chacun des personnages, hein. Même au niveau de la mère au début, enfin la, oui. Enfin, la mère, on se dit bah bon, moi j'étais contre elle, tu vois. Enfin au début on est avec elle, tu vois. Pas moi. Quoi, vraiment au tout début quand, au tout début, quand elle va le voir en disant je veux mon j'étais oui et non, j'étais un peu partagé. Je comprenais Steve Jobs, en même temps je la comprenais elle. C'est pour ça que je trouve le film extrêmement objectif, en fait. Il prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il pose des choses et il dit au spectateur un père qui veut pas qui dit clairement à une petite de 5 ans qui dit papa, il fait non, je suis pas ton père, alors qu'il est vraiment son père. Moi, non. Mais ça, je peux pas être du côté de ce mec-là. Hein. C'est viscéralement impossible. Je trouve le film, pour moi, il sème le doute. Au début, je me demandais si c'était vraiment lui le père. On sait pas si c'est son père ou pas. On sait pas, justement. Et c'est à partir de là, quand j'ai compris, effectivement. Mais de toute façon, la fin, je m'attendais à une fin un peu, on va dire, démonstrative à ce niveau-là. Je m'y attendais et je pense que ça, elle était un peu nécessaire aussi. Mais c'est ça qui m'a plu dans le film et c'est aussi, enfin, je le dis sur Twitter, sur Facebook, mais Michael Fassbender, je veux dire, ce gars, en plus, ce qui est l'idée brillante du film, c'est de pas faire l'école des sosies. C'est pas de dire, ok, on va prendre un acteur, on va le grimer, on va le maquiller, il va ressembler à Steve Jobs. Je trouve que Michael Fassbender, plus le film avance, plus il lui ressemble. Enfin, oui, à la fin, oui. Mais je veux dire, mais au début, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pourtant, j'ai cherché des photos du Steve Jobs avant. Enfin, non, et puis même dans sa façon de parler, à la fin, il parle un peu du nez comme ça. Et ça, c'est clairement comme Aaron Sorkin parle. C'est ça qui est marrant, en fait. C'est pas du tout comme Steve Jobs parle. Parlait plutôt. C'est ça qui est, et c'est ça l'idée brillante, c'est pas de dire on fait l'école du sosie, on va prendre un, on va faire du mime, on fait pas de l'imitation. On prend un acteur. C'est pas la môme, quoi. C'est pas la môme, effectivement. On va prendre un acteur et un acteur il peut, c'est comment un acteur peut s'imprégner d'un personnage, un personnage qui est vrai et avec son, enfin comment il peut, enfin pour moi Fassbender a apporté vraiment de lui-même, de sa personne, de son charisme et tout. Enfin je trouve qu'il, et c'est ça pour moi. Ça pour moi c'est un grand rôle. Pour moi, c'est le meilleur rôle de Fassbender, clairement. Et encore une fois, c'est lui qu'on aurait dû, à lui qu'on aurait dû donner la statuette. Parce que c'est tout ce que j'aime voir dans un biopic. Parce qu'un biopic, c'est casse-gueule. Hein. On peut très bien faire, Eddie l'a dit, La Môme. La Môme, c'était pas désagréable en matière de scénario, etc. Même si je suis pas d'accord avec l'Oscar de la meilleure actrice, parce que c'est tellement derrière le personnage que pour moi, ça mérite pas un Oscar, en fait. Voilà. Mais par contre. Le film, j'aime bien le film. Hein. Oui, voilà, le film en lui-même est très bien parce qu'il montre aussi les deux facettes, le côté artiste et le côté finalement artiste qui se drogue et tout. Donc, c'est marrant, mais ça se rapproche un peu de Steve Jobs, je trouve. À un degré différent, mais. Voilà. Et la force de Steve Jobs, en plus, la réalisation, encore une fois, elle est, je l'ai adoré parce que ça pouvait, Danny Boyle, ça passe ou ça casse. Moi, 127 heures, je supporte pas. J'ai de l'urticaire quand je regarde ce film. Je trouve que c'est un long clip, c'est une pub Décathlon qui dure 2 heures. J'ai vraiment du mal aussi. Ah, 127 heures, c'est Décathlon, hein. Oui, aussi. C'est cabotin, je veux dire, James Franco n'a jamais été aussi mauvais que dans ce film là puis même mettre du plastique Bertrand, enfin bref, je comprends pas. Son Dog Millionnaire, le récit me touche. Après, quand Danny Boyle fait un peu les fulgurances de Danny Boyle, quand il s'excite un peu, ça me dérange un peu. Par contre, j'aime bien 28 jours plus tard, je trouve intéressant. Je préfère la suite, mais bon. Donc voilà, Danny Boyle, je suis pas client de base, mais là il est un peu plus sobre. Vraiment très sobre. On sent que le film est une commande et que je pense qu'il a eu de la liberté sur son projet malgré tout, mais on sent qu'il s'est un peu freiné et je trouve que ça sert bien le film. Et c'est le scénario, les dialogues d'Aaron Sorkin, la façon dont les acteurs se renvoient la balle, c'est des joutes verbales qui n'en finissent pas et c'est des scènes qui durent, et Aaron Sorkin a un don, enfin pour moi un talent, mais qui dénote du génie, c'est de rendre un truc qui au premier abord n'est pas du tout un peu compliqué, il rend tout ça limpide, clair, sans le rendre neuneux ni simpliste, c'est-à-dire qu'il garde la complexité du truc, mais il arrive par des dialogues, par des mots, par des simples mots, à rendre tout ça plus clair, de façon à ce que le grand public comprenne. Ce que ne faisait pas The Big Short, par exemple, qui est le film, je n'ai rien compris à ce film, Il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Non, mais The Big Short, je défie quiconque de comprendre. Parce que The Big Short, il garde les termes de la finance. Enfin, c'est faux. C'est un bordel monstrueux à comprendre. Et Aaron Sorkin, avec The Social Network, c'est pareil. Je suis pas, non, enfin, moi, le monde informatique, bon, je me considère comme geek, mais je suis geek, on va dire très passif, qui, en gros, je me sers à l'informatique une fois que c'est fait. Par contre, tu me demandes de monter un ordinateur. J'ai déjà pas monté un œuf Kinder, alors pour monter un ordinateur, c'est même pas la peine. Donc, du coup, c'est ça qui m'a plu dans le film. C'est comment Aaron Sorkin arrive, je rigole de ma blague. C'est vrai qu'elle était drôle. C'est bien trouvé. C'est comment Aaron Sorkin arrive à rendre clair un truc qui est un petit peu, au premier abord, un peu nébuleux. C'est vrai que les gens, ça peut leur faire peur. Oh, Steve Jobs, c'est informatique. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Voilà. Parce que le Steve Jobs de, enfin, le Jobs, ça s'appelait Jobs, je l'ai pas vu avec Ashton Kutcher. Mais là, pour le coup, même Ashton Kutcher, quand je voyais dans la bande annonce, ils ont rajouté une fausse barre. Enfin, on dirait plus Robert Rue que Steve Jobs déjà. Donc, du coup, voilà. C'est ça qui me dérange dans les biopics, c'est quand les biopics tombent dans le concours de sosie. Que là, c'est pas un film sur Steve Jobs, c'est avant tout le portrait d'un homme qui est tellement, obsédé, parce que ça tourne, c'est de l'obsession à ce niveau-là, par son boulot, par son désir de réussite, et comment aussi on voit, parce qu'il se casse la gueule avec le Next, c'est ça? Ouais, Next. Parce que ça marche pas du tout. Il n'y avait pas de système d'exploitation avant de monter sur scène, donc c'est. Voilà, c'est un peu ça. Le cœur de l'ordinateur. Il y a un suspense aussi à ce niveau-là. Ça, justement, tu crois pas si bien dire. Un moment où on apprend que finalement le système d'exploitation, il faut qu'il en crée un et tout. Et finalement, le film nous montre vraiment ce que c'est de vivre et d'avoir des rêves dès lors qu'on est ambitieux à en être pratiquement maladif, quoi. Avoir une ambition maladive. Ça ressort sur son envie d'avoir un cube parfait à l'œil. Justement. Et qu'on voit le personnage se tomber, mais il revient, et les dialogues, enfin, je veux dire, moi, la réplique, enfin, quand Steve Jobs dit à sa fille, un jour, je te mettrai 1000 chansons dans ta poche, pour moi, j'applaudissais. C'est parfait. Les dialogues sont beaux, la réalisation, elle est clean, elle est belle, la musique, elle est exceptionnelle. Michael Fassbender, majestueux. Kate Winslet, très bien. C'est vrai, j'aurais peut-être pas donné l'Oscar de la meilleure actrice. Enfin, même Golden Globes, honnêtement. Elle est très bien. Mais c'est pas non plus pour moi, c'est pas non plus le film où, Mais c'est vrai que, les acteurs sont parfaits. Enfin, tout est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est une alternative au biopic et c'est ça qu'il faut faire, je pense, aujourd'hui, parce que on a tellement fait des biopics sur tout et n'importe qui, que. On a tellement fait de biopics, tout se construit de la même façon, c'est ça aussi. Ouais. Et je trouve que ça me se rapproche plus de Bronson, j'ai envie de dire. Il y a un côté, parce que Bronson, c'est un biopic aussi, mais c'était transcendé par une mise en scène, par un parti pris, par une folie. C'est une chronique, quoi. C'est pas vraiment un biopic. Voilà, c'est pas un biopic, c'est pas la vie de Steve Jobs de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet, c'est la vie de A à Z, mais au milieu, il y a le M. Ça m'a fait penser à The Wrestler aussi de Ouais, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est. Et c'est ça qui est intéressant, c'est Danny Boyle, avec un sujet pareil, parce que je pense qu'il savait qu'il y avait déjà eu un. En soi, c'est pas utile de refaire un film sur Steve Jobs. C'était pas utile. Je pense qu'il le savait et Aaron Sorkin s'est dit ok, on va pas faire un film sur Steve Jobs, on va faire le portrait. Et au final, je trouve que la mise en scène virtuose de Fincher s'accordait super bien avec le scénario de Aaron Sorkin. Pareil. La mise en scène de Boyle. Enfin, je trouve qu'il a Aaron Sorkin. Quand on y donne un réalisateur avec des idées, ça fait des choses formidables. Donc j'attends le biopic sur Bill Gates maintenant. Sur qui? Sur Bill Gates. Parce que je reste quand même pro Windows quand même, parce que Apple, moi je suis pas Apple du tout. J'étais limite converti en sortant de ce film là. Moi je suis toujours pas Apple, mais c'est même pas. C'est des très bons produits, mais c'est juste que c'est beaucoup trop cher. Oui, pour nous c'est. Oui. Ouvrir un PEL pour pouvoir acheter un téléphone, enfin voilà quoi. C'est quand même. Oui, voilà. Bon, ça fonctionne. Hein, chef-d'œuvre, grand film. Ok. Enfin, rattrapez-vous en Blu-ray. D'ailleurs, j'ai un peu peur parce que normalement sur Amazon, ils montent toujours, même des films qui sortent la semaine prochaine, ils sont déjà prévus en Blu-ray. Que là, Steve Jobs, je le vois pas sur Amazon. Ça me fait un peu peur. Je me demande si le film va sortir en Blu-ray chez nous. Si, il y a intérêt, hein. Mais si. Ouais, je l'achèterai. Vous faites un cadeau aussi. De toute façon, il est déjà sorti en plus au Royaume-Uni en Blu-ray. Donc ça m'étonnerait qu'il sorte pas en France. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Steve Jobs. On va passer maintenant à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. Donc on est à la week, nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et on va commencer avec un coup de cœur dédié pour Spotlight. Je croyais que c'était moi qui devais commencer. Donc, non, tant pis, c'est moi. Donc du coup, oui, Spotlight, en fait, il n'est pas sorti en février. En février, ouais. Mais moi, je l'ai sorti, je l'ai rattrapé au mois de février, mm-hmm. Et je voulais vite revenir dessus, surtout qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, donc bon, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça, pour Morgan, son coup de cœur, c'était Steve Jobs. Moi, pour le moment, je pense que c'est clairement lui, il est dans le top 3 de l'année, en fait. Parce que pour moi, c'est tout simplement un film d'utilité publique, quoi. Je trouve que il y a pas de, c'est une enquête, donc c'est le médium de l'enquête au travers des journalistes, c'est assez intéressant, ça change, et c'est bien écrit, et finalement, c'est pareil, toute l'action du film, elle est verbale. Mmh. Et je trouve que ça fonctionne bien, et c'est très immersif, on est pris dedans, et c'est révoltant, c'est beaucoup de choses, et c'est pour ça que je trouve que le film est intéressant, parce que ce qu'il nous raconte, on s'en doute, et là, il met en lumière des choses assez compliquées à aborder. Mmh. Et d'ailleurs, la scène finale avec finalement tous les lieux où ont été répertoriés des agressions pédophiles sur des jeunes enfants, c'est assez glaçant. En général, les trucs pédophiles, c'est sur des enfants. Voilà, oui, pardon. En effet. Et donc, c'est assez glaçant. Mais j'ai pas grand chose à dire, mais mm-hmm. Ça m'a tellement. C'est un beau film. J'ai été happé en fait par le truc, quoi. C'est. Mm. Ouais, mais moi, il faut absolument que je le voie. Et puis, franchement. Pour ceux qui savent pas, je parle de ça, j'ai même pas fait de résumé. En fait, c'est une équipe de journalistes qui travaille au Spotlight. À Boston. C'est à Chicago. C'est le Boston Globe, en fait. Ouais. Je sais plus pourquoi ils parlent de Spotlight. Enfin, bref, ils travaillent au Boston Globe et du coup, ils vont revenir sur une affaire de pédophilie et finalement se rendre compte qu'il y a eu énormément d'agressions sexuelles. Ça se compte sur plus de 50, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est sur l'Église catholique. Hein. C'est sur l'Église catholique, ouais. Et du coup, ça met en lumière ça, et c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très controversé. Enfin, on en entend souvent parler, ouais. Et puis en général, le Vatican étouffe les affaires, donc finalement, mmh. ça arrive à échapper aux mains de la presse. Et là, ils parlent vraiment de, enfin, ils en parlent. Ça fait du bruit. C'est vachement bien amené, quoi. C'est pas un film énorme. J'ai été assez surpris qu'il ait l'Oscar du meilleur film parce que techniquement, c'est pas un film révolutionnaire ou quoi que ce soit. Mais c'est que l'enquête est tellement bien menée et tellement prenante. Et puis il y a un super casting. Chacun s'implique vraiment dans son rôle. Et il y a pas de scène choc ou de c'est des témoignages qui sont frappants. Moi j'ai trouvé que c'était un film vraiment bien construit. Mmh. Du coup, je suis content qu'il ait reçu un Oscar, mais vraiment, j'encourage tout le monde à le voir. C'est vraiment un film qui mérite d'être vu, quoi. Ouais. Il faut pas s'attendre à une claque cinématographique, mais à vraiment un film bien écrit qui aborde des choses pas faciles et qui le fait bien. Malheureusement, je pense que l'Oscar, oui, je pense qu'il est bien parti pour être. Hey. Oui. Il y a un petit bug. Ah, j'ai cru. Non. Moi, je pense que l'Oscar, c'est une. Moi, j'ai adoré le film. Hein. Je trouvais ça prenant. Je trouve que c'est magnifiquement joué. Il y a pas de problème. Maintenant, ce qui est entre guillemets dommage, c'est que les gens qui n'ont pas vu Spotlight à l'époque de sa quand il est sorti, qu'ils verront maintenant, ils le verront pas en tant que, on va dire, spotlight, c'est le spotlight qui a eu l'Oscar du meilleur film, donc forcément... Oui, c'est ça, il va y avoir une hype Oscar et les gens film. Ne... Alors que le film, on n'a pas besoin, parce qu'il suffit vraiment lui-même. Quoi. Parce que j'ai vu pas mal de gens qui, après avoir après la cérémonie, disant « Ah, bon, bah, c'est parti pour spotlight, en plus, il a gagné l'Oscar, ça doit pas être mauvais. » Et les commentaires que je lis, en général, après coup, c'est ouais, enfin, de là avoir l'Oscar, et c'est dommage parce que les gens seront beaucoup plus négatifs à cause de son prix. Donc, l'Oscar, est-ce que c'est une... Oui, bon, c'est un peu. Enfin... Bon, c'est un peu la même chose avec tous les films qui reçoivent un Oscar. C'est un peu idiot aussi de baser son jugement sur ça. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est dommage. Bah oui, beaucoup. Mais c'est... Non, je veux pas insulter, enfin, je veux insulter personne, hein, mais voilà, je trouve ça un peu. C'est le problème, c'est le problème actuel, la société de consommation qui. Ouais. Qui est défini que par des trucs sponsorisés et tout. C'est ça. Dès que ça reçoit l'Oscar, c'est bon, il faut absolument le voir. Quoi. Ah bah oui, voilà, c'est tout le monde va en parler, donc il faut être au courant et tout. Alors que c'est un film qui justement parle d'affaires tellement graves que le Vatican les a étouffées et que c'est des journalistes qui ont été obligés d'aller fouiller un peu partout pour faire ressortir le truc. Donc c'est même pas c'est finalement, lui donner l'Oscar, c'est permettre à beaucoup de monde, c'est permettre au film d'avoir une plus grande visibilité, mais c'est un peu contradictoire. Quoi. Enfin, bon, bref. Après, moi, personnellement, est-ce que j'aurais donné l'Oscar moi, je trouve que c'est mérité, mais j'aurais pas donné l'Oscar. Moi, j'aurais peut-être donné à The Revenant, du coup, oui. Ou même Mad Max, j'avoue, parce que voilà, Mad Max a des qualités formelles qui, peut-être, ce qu'il y a avec les films à Oscar, c'est des films qui, enfin, un Oscar du meilleur film, c'est forcément un film qui doit dater et qui... Pour moi, un Oscar, c'est un film qui est, dans ma tête, c'est un film qui a marqué d'une pierre blanche. Pour moi, Mad Max a quand même beaucoup révolutionné pas mal de choses dans le cinéma d'action, plus que Spotlight, ça n'en fait pas du tout un mauvais film pour autant, au contraire, j'ai adoré. Non, c'est ça, mais en même temps, Spotlight n'a pas la prétention exactement. De révolutionner quelque chose, il se concentre oui, vraiment sur son sujet. Oui, c'est pas plus mal hein, après de récompenser des films qui... Enfin, c'est un peu comme les Césars, finalement, les Césars, on récompense des petits films un petit peu, voilà. Là, c'est pas plus mal, puis surtout que c'est un super bon film, avec son rythme, j'ai adoré le rythme. Alors, déroutant, c'est un peu lent, effectivement, mais la lenteur joue carrément en sa faveur, parce que vous pouvez pas faire un film très dynamique, c'est très posé. Enfin, il y a une espèce de sobriété vraiment dans. C'est ça, et ça fonctionne tellement bien parce que ils galèrent. Enfin, les personnages galèrent tellement à avoir droit à avoir certains documents et ça prend du temps. Et finalement, la lenteur du film participe oui, à parce ça. Que... Ça. On est vraiment aux côtés de ces personnages en fait. Et nous, la seule chose qu'on a envie en tant que spectateur, c'est de connaître le dénouement. Mais comme les journalistes finalement qui font l'enquête, de savoir jusqu'où tout ça a été et ce qu'ils vont pouvoir dire dessus. Donc c'est le film il fonctionne très bien mais c'est vrai que de là à recevoir un Oscar pour ses prouesses techniques ou voilà il y a pas mais bon un Oscar ça peut aussi permettre à des petits films d'être plus vus et puis finalement de faire prendre conscience au public pas forcément des trucs comme Avatar ou Titanic qui méritent des Oscars bon, c'est bien aussi après les Oscars il faut pas se cacher que c'est beaucoup de politique et d'économie oui là voilà, le sujet de Spotlight rarement... s'y prêtait pas mal le sujet était assez voilà. Mais c'est pas plus mal parce que effectivement moi ce que j'ai adoré dans le film aussi c'est le côté immersion tout simplement on sait clairement j'ai rarement au cinéma été à ce point enfin, j'ai jamais ressenti une telle proximité avec le milieu journalistique au cinéma, autre que dans ce film-là. Et c'est pour ça que chaque info, chaque scoop, chaque truc qui est, chaque révélation, c'est une espèce de grosse victoire, même pour nous, parce que forcément, nous, spectateurs, on est forcément du côté des journalistes, enfin, celui qui me dit qu'il est du côté du Vatican. Bon, voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant dans le film, c'est comment les personnages déjà sont hyper bien construits, sont bien écrits, et chacun est différent. Mais ils sont très bien construits, et pourtant, ça reste, c'est très simple. C'est très simple, hein, c'est défini par pas beaucoup de choses. Enfin, je pense à celui de Rachel McAdams. Voilà, on sait qu'elle est proche de sa grand-mère, que sa grand-mère est croyante et tout, qu'elle va à l'église avec scène. Elle, et que, du coup, son regard sur l'église va la changer. La scène, justement. C'est tout, quoi. Ça passe par des petits détails comme ça. C'est pas des personnages qui ont un background énorme, mais c'est tellement, ça se suffit tellement que, du coup, voilà. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était un, c'est une expression que je donne souvent maintenant, mais c'est vraiment un film aux petits oignons, quoi, qui fait bien. Ah, attention! Pardon, mais bon. Bref. Quoi? Aux petits oignons. Non, pardon. C'est horrible. Non, c'est bon. D'accord. Je voulais juste dire en finissant sur ce film que moi ça me fait, même si je l'ai pas encore vu, je vais le voir sûrement prochainement. À mon avis, ça va être compliqué maintenant parce que ça va faire 2 mois qu'il est sorti. Non, bon, mais peut-être qu'avec les Oscars, il va avoir un regain de spotlight dans les salles. Je veux pas me faire chercher par la police, mais on va dire que je vais pas le voir par la salle. Enfin, je vais pas le voir au cinéma. Non, mais de toute façon, c'est même au niveau des dialogues. Et il y a des scènes d'émotion qui marchent vraiment. Elles sont peu nombreuses dans le film, mais quand elles sont là, je pense à une scène où t'as un personnage qui lit le journal, en rapport avec Rachel McAdams. Je trouve cette scène est magnifique. Mm. Et là, même Mark Ruffalo qui rentre dans une église. Les témoignages, il y a plein de... Oui, voilà. Je voulais juste dire que ça fait plaisir de voir Michael Keaton de retour. Ah, il est excellent. Aussi, il m'a manqué. Et beaucoup plus sobre que dans Birdman. Hein. Bah, encore une fois, Birdman, c'était un peu le rôle à Oscar aussi. Bah, comme souvent chez Naruto, visiblement. Non, et quand j'ai vu Spotlight, je me suis dit, mais cet acteur me manquait quand même. Mais je le savais pas. Ouais. Et finalement, il a. C'est pareil. C'est bizarre, Julien Lepers se fait virer, Michael Keaton revient sur le devant de la scène. Il y a un lien, hein. Hey, mais c'est la force qui se rééquilibre, c'est ça. On va passer maintenant à toi, Morgane, avec un coup de cœur pour Ami un Public. Un petit coup de cœur, parce que c'est un film que j'ai envie de défendre. On va encore dire, c'est Kev Adams. Alors, je vois les. C'est Kev Adams, c'est pas bien, faut pas y aller, parce que Kev Adams, il est pas drôle. Voilà, on l'a dit, Kev Adams n'est pas drôle, ce n'est pas un bon comique, je le dis, malgré. On est tous d'accord. On est d'accord. Malgré un statut que j'avais écrit en 2012 à 3h du matin. Voilà. Moi, je suis très. Non, mais Kev Adams n'est pas un bon humoriste. Ça, je suis d'accord. Cependant, Ami Public, quand l'affiche est sortie, moi clairement, je m'attendais à les profs, etc. Parce que Kev Adams, je fais toujours un peu la même chose. En tout cas, dans le fiston, les profs, Aladdin, ça reste quand même quelque chose. C'est de la merde. Faut dire ce qui est. Et bon, il se complaît là-dedans parce que ça marche. Du coup, j'avais peur qu'Ami Public soit. Et finalement, en voyant la bande-annonce, je me suis aperçu que le film, je trouverais pas très drôle. Enfin, en tout cas, je ris pas devant les bandes-annonces des films de Kev Adams, mais je vois que les films cherchent à me faire rire, que là pas du tout. Je me dis, mais c'est bizarre, le film a l'air plutôt grave. Et en effet, en me renseignant sur le film, c'est, on va dire, Kev Adams qui essaye de faire son Ciao Pantin. Est-ce qu'il y arrive? Totalement non, parce que il y a encore des choses à perfectionner, mais est-ce que le potentiel dramatique est là? Carrément. Et je dis vraiment en toute objectivité, je pourrais taper sur le film, même ceux qui ne l'ont pas vu. Je comprends qu'on ait des a priori sur un film, qu'il soit bon ou négatif, c'est le jeu. Mais de là, parce que je trouve qu'il y a quand même une haine, au bout d'un moment ça tourne à la haine, quand on tape sur Kev Adams pour rien des fois, enfin laissez-le tranquille, que vous aimez ou pas, mais au bout d'un moment ça tourne à la haine et ça devient malsain. Puis ça me paraît extrêmement facile de taper sur Aladdin. Enfin voilà, je lis quand je lis des statuts de personnes qu'ont 13, 14 ans, qui disent attention, je vais te montrer Aladdin si t'es pas gentil. Enfin genre Aladdin c'est une punition, c'est de la. Enfin oui, en soi oui, mais enfin voilà, ça me paraît un peu facile, c'est une cible facile. Bon après, donc Ami Public, je vais contextualiser un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Léo. Qui est joué par Kev Adams, dont le frère. Pas DiCaprio. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est drôle. Maintenant, on voit des DiCaprio. Bah oui. Bah, tu parles d'un film grave, ça aurait pu être Léo. C'est ça. Kev Adams fera peut-être un jour. Ah non, arrête. Alors après, honnêtement, j'ai envie de dire qu'on donne un prix à Kev Adams. Bon, je vais m'expliquer après, et qu'on lui donne un prix pour ce film-là, ça me dérangerait pas. Bon, peut-être pas un Oscar non plus, mais bon. Bon, donc c'est l'histoire de Léo, donc qui est joué par Kev Adams, dont le frère est atteint d'un cancer c'est un cancer qui s'est développé suite à l'explosion d'une usine chimique qui a eu lieu pendant qu'ils étaient enfants. Eux, ils étaient en train de jouer au foot sur un terrain. Ah oui, forcément. Et il y a une usine à côté qui a explosé, ça a libéré des produits toxiques et il y a des enfants qui ont été contractés, enfin qui ont été atteints de cancer. Donc le frère de question. Oui. Kev Adams, s'il jouait avec lui ou pas? Pardon. Oui, jouait avec lui. Oui, vous allez dire dommage. D'accord. Donc comment ça se fait que lui n'a pas le cancer? J'en sais rien. Attention. Faut expliquer. Je suis pas biologiste. Faut demander au scénariste, oui. C'est ça. Non. Enfin, le pitch comme ça déjà. Enfin, je dis ouais, ça y est. Le cancer, dès que ça... Enfin, bref. Donc, oui. Je vais continuer. Du coup, son frère, donc, il a 20 ans à peu près, donc il est, on va dire, en phase terminale, mais il est un peu mal en point. Et son frère est fan de films de gangsters, il est fan de Hit, il est fan de... Voilà. Et il rêve de faire un braquage. Donc Kev Adams qui lui est un peu développeur web pour des sociétés, enfin c'est voilà. Oui, bah, ça arrive. Mais arrêtez de rire, putain. Je rigolais à la phrase Kev Adams c'est des. Oui, enfin il fait des sites internet, voilà. Donc il à un moment, donc un jour il travaille chez moi. Un jour. Arrêtez, vous trollez ma chronique. Alors j'ai envie d'aimer ce film. J'ai envie de dire que ce film est bien. Donc Kev Adams a organisé un faux braquage avec un ami, enfin un ami banquier. Sauf que. Enfin, parce que son frère, il est sur le point de mourir et tout, il sort d'hôpital, il en a marre, des examens et tout, il veut vivre sa vie, quoi, il en a marre d'être enfermé. Et, il dit, j'ai envie de faire un braquage, et Kev Adams va organiser un faux braquage. Sauf que le moment venu, le GPS va les emmener dans une vraie banque. Donc, ils vont braquer vraiment. Ils croient tous que c'est de la mise en scène, sauf qu'en fait, c'est un vrai braquage. Donc, ils vont commencer à être recherchés par les flics. Et plus le temps va avancer, plus le temps va passer, plus ils vont se dire, finalement, braquer des banques, c'est cool. Sauf que l'argent, ils vont le déverser à des associations pour des gens malades. Donc, c'est extrêmement naïf, dit comme ça. Mais, oui, non, mais c'est extrêmement naïf. Il y a des violons à la fin dont on se passera, dont je me serais volontiers... Oui, parce qu'on sait, de toute façon, à la fin... À la fin, il meurt, je vous dis clairement, à la fin, le frère de Kev Adams meurt. Non, mais... De toute façon, cite-moi un film où quelqu'un a le cancer et ne meurt pas. Steve Jobs, il meurt pas à la fin. Bon, on sait pas s'il a un cancer. Hein. Non, on le sait. Mais bon, donc, moi, j'aime beaucoup ce film, je le trouve pas mal, plutôt bien écrit. En plus, c'est un premier film, donc Edouard plus vieux, donc il a pas un nom, porte-bonheur, j'ai envie de dire. Mais le film m'a vraiment épaté, tout comme le casting. Et pour une fois, j'ai envie de dire, vraiment pour une fois, Kev Adams, il est très bon. Et il nous dévoile un potentiel dramatique qui était... moi, si on m'avait dit il y a encore un an Kev Adams allait faire un film un peu dramatique, j'aurais fait... C'est pas vrai. Mais s'il l'a fait, je dis pas qu'il le fait parfaitement. Il surjoue un petit peu. Enfin, la fin, quand il doit aller vers l'émotion, c'est pas tellement ça. Après, est-ce que c'est parce que j'ai tellement l'habitude de le voir faire le con à la télé ou dans ses one-man shows que du coup, je suis un petit peu... Enfin, j'ai du mal à prendre ce recul là et dans ma tête, j'ai du mal à trouver ça crédible. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est que Kev Adams peut être un bon acteur dans la mesure où il laisse tous les acteurs qui sont à côté, parce que c'est un film de bande, jouer avec lui. Donc tous les acteurs se renvoient un peu la balle, tous les acteurs, voilà, ils se lancent des répliques et tout, des vannes. Donc le frère de Kev Adams est joué par Paul Bartel, que je trouve vraiment excellent dans le film. Tous les acteurs sont plutôt bons, je trouve que les gags marchent, il y a des dialogues qui sont un peu drôles, voilà, mon frère est atteint d'un cancer, il va mourir, ah bon, c'est grave, enfin, c'est rigolo. Dit comme ça, dit par moi, c'est pas drôle, mais je trouvais ça plutôt rigolo. Et finalement, j'ai tellement été épaté par le jeu de Kev Adams, qui est plutôt sobre et qui n'est pas du tout mégalo, parce que les films avec Kev Adams, c'est des films mégalo. Il se met en scène, même Aladdin, on croit que c'est un film avec un casting 4 étoiles, mais ça reste Kev Adams au milieu de tout le monde, qui vole la vedette, qui fait son numéro dans cette chambre. Que là, il laisse les acteurs jouer, et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que le cinéma, enfin, un acteur, il partage. Et Kev Adams ne partage pas. Enfin, il partage pas dans ses autres comédies. Que là, je trouve qu'il partage, je le trouve plus généreux. Le film a l'air de lui tenir à cœur, puisque Kev Adams, on le sait, alors, qu'on aime ou pas, Kev Adams, ça reste quand même quelqu'un qui milite un peu, enfin, qui soutient des causes contre le cancer. Il a investi de l'argent dans une, enfin, voilà, c'est quelqu'un d'assez généreux, je veux pas y retirer ça. Il a pas de talent, mais il a le cœur sur la main, c'est vrai. Enfin, en tout cas, en talent comique, je trouve qu'il en a pas. Enfin, il me fait pas rire. Mais, s'il pouvait faire plus de films comme ça pour essayer un peu de se démarquer parce qu'il va avoir 23 ans, enfin même il est peut-être même plus jeune que moi, ce serait bien qu'il se démarque un peu parce qu'effectivement il est un petit peu, surtout en France on aime bien enfermer les gens dans les cases et de les taper pour ça. Il est tellement enfermé. Le problème c'est qu'il s'enferme tout seul dans la case. Oui, voilà, c'est ça. Il s'enferme tout seul, mais en même temps les gens le blâment pour ça. Puis de toute façon Et l'adulte, hein. On va pas non plus. Il y a aussi beaucoup de gens qui l'adorent. Il y en a plus. Enfin, en tout cas, ceux qui l'adorent en général ont moins de 15 ans, mais ceux qui le détestent, en général, c'est ceux. Enfin, de toute façon, je trouve qu'en France, quand on réussit, la réussite, ça énerve. On le voit en ce moment avec Hanouna, oui, avec Marion Cotillard, on la bâche, mais parce que dès l'instant où elle a eu son Oscar, on l'a félicité pendant 2 mois, puis ensuite, oh alors là, mais les gens se sont déchaînés. Jean Dujardin, c'est pareil. Bon là, en France, c'est pas là récemment. Bon là, je sais rien. C'est... Enfin, Jean Dujardin, en même temps, The Artist, merci. Oh, c'était bien, The Artist. Oh là là là là là là. Non, mais même, attends, j'ai même entendu des gens dire Dujardin, ah ouais, le Wall Street, c'était bien, mais quand Dujardin était là, dans le film, c'était pas bien. je trouve plutôt bon dans Louis Street, même dans Monument de Semaine, je trouve bon. Oui, bah ça, c'est le genre de réflexion qu'on entendra tout le temps. T'as ceux qui ont des œillères, ils sont pas capables. Voilà, alors après, je comprends que le film ne tente pas. Amy Public, si on me dit, il y a Kev Adams, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de dire, mais comme je vous comprends. Mais franchement, c'est pas un film qui, c'est pas les grands éclats de rire. Donc déjà, ça va pas vous changer d'habitude, du coup. Mais c'est plutôt bien écrit. Il y a une sincérité dans le projet qui est indéniable, qui est palpable. L'émotion. Bah, moi, honnêtement, qui suis obligé de vraiment choisir ce que je vais voir au cinéma parce que j'ai pas de quartier limité. C'est pas. C'est normal. Voilà, même si c'est pas le pire film qui soit, j'ai pas envie d'aller voir un film. Je suis d'accord avec toi. Par principe, voilà, j'aime pas Kev Adams, j'ai pas envie d'aller voir un film avec lui, ce qui me saoule, et en fait, c'est que j'ai pas envie de lui donner de crédit, parce que je me dis que même si dans ce film-là, il essaie de faire autre chose, d'un autre côté, il va toujours aller faire le kéké chez Hanouna, chez Arthur et tout, et il va me gonfler. Et en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que, ça reste quand même Kev Adams. Mais c'est honnête de le dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de donner de fric à ce mec, encore moins tout ça. C'est très bien qu'il donne de l'argent à des personnes. Oui, ça reste. Tout ça, c'est évidemment. Mais voilà, moi Kev Adams, je peux pas. Après, si un jour il passe à la télé ou même si tu le regardes en streaming, vas-y. Mais toi, c'est plus. Mais oui, voilà. Mais déjà, oui, s'il passe à la franchement, télé. Franchement, je pense pas que tu vas détester. Tu vas peut-être dire effectivement. Mais non, mais le film a des défauts. C'est pas ce que je dis, parce que je me fais un peu l'avocat du diable. Mais oui, non, mais après, je pense qu'on sait ce qu'on va voir. J'ai envie aussi, de défendre parce que c'est tellement le projet. Parce que comme ça, tout va, film avec Kev Adams. Dans ce que je vais parler tout de suite, c'est pareil. Comme tout film, c'est ce que tu vas voir. Comme tout film avec Kev Adams, même avant qu'il sorte, le film se fait. Enfin, on tape sur le film. Moi-même, j'étais un peu moqueur et tout parce que je partage la même détestation que toi. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas, parce que je suis assez. Bon, je dis pas que ceux qui ne vont pas le voir, je dis pas que t'es pas ouvert. Au contraire, c'est honnête de le dire, parce que moi, effectivement, j'ai l'avantage d'avoir la carte illimitée. Quoi, je suis pas ouvert. Si t'es ouvert, si t'es ouvert. Mais moi, c'est vrai que j'ai plus de facilité dans la mesure où j'ai la carte illimitée et plus de temps. C'est ça, tu te dis bon au pire. Je perds mon temps par mon argent. Et ce qui est assez curieux avec ce film-là, c'est que on croit que Kev Adams, son public le suit en toutes circonstances. C'est pas vrai. Ami Public est un film qui ne marche pas. Ce film, il ne marche pas. Donc c'est assez bizarre de se dire que Kev Adams, parce que dans toutes les promos, dans toutes les émissions télé où il venait, alors effectivement il faisait le clown, mais en même temps il disait attention, le film est quand même plus sérieux, il a bien mis en garde des gens. Et chez Ruquier, Yann Moix avait dit, alors je n'aime pas du tout ce mec-là, mais là il a été très lucide, il a dit vous verrez que votre public n'ira pas. Et Laurent Ruquier avait dit non, vous allez voir. Alors effectivement, Yann Moix avait raison pour une fois. Le film ne marche pas. Il est à 400 000 entrées. Puis là, ça y est, c'est fini. Enfin, je veux dire, il doit être à 500 000 à peu près. Je veux dire, c'est pas les 7 millions d'Aladin. Le film, c'est rien. Hein. C'est que dalle, hein, franchement. Et je trouve que c'est dommage parce que, alors, d'un côté, je pense qu'il y a eu ceux qui n'ont plus envie de voir Kev Adams. C'est tout en leur honneur. Mais de l'autre côté, voilà, le film ne trouve pas son public parce que je pense qu'il s'adresse pas forcément au public de Kev Adams de base. Je pense qu'il est plus grand public que les profs et compagnie. Le film mérite quand même d'être vu. Il est plutôt, voilà, je dis, il est drôle. Il y a des moments d'émotion qui marche un petit peu, même si à la fin ça tire vraiment dans le pathos, c'est Kev Adams, c'est pas totalement crédible, mais en tout cas le potentiel dramatique est là. Donc je l'encourage, s'il m'écoute, à aller plus là-dedans, mais je pense malheureusement que c'est plus une petite parenthèse, parce que vu que le film ne marche pas vraiment, je pense qu'il va se dire ok, d'accord. Ouais, il va revenir. Les gens ne veulent pas, enfin mon public ne me veut pas là-dedans, donc je vais rester dans. Voilà. Donc c'est bon, t'as fini sur. Je vais rester dans ma zone de confort. Maintenant qu'on a parlé de Ami Public, Eddie va nous parler de Chair de Poule. Je voulais parler de l'autre, mais c'est pas grave, on va parler de Chair de Poule. Mais c'est pas grave. La Chair d'un Poule. Et donc, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger. Alors, moi, c'est pas un film que j'attendais énormément, en fait. Mais si je me suis trouvé à aller le voir comme ça, c'était pas trop trop prévu. Mais je l'ai vu. Donc, moi j'ai lu certains Chair de Poule. Je les ai pas tous lus. Pareil. Parce que je suis pile poil dans la génération en fait qui lisait les Chair de Poule. Et donc j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu celui avec le pantin. J'ai lu celui avec le loup-garou. Par contre, il y avait des trucs je me rappelais pas. Tout ce qui est la menthe religieuse, le yéti et tout ça, je me rappelais pas de ça. Les nains de jardin non plus. Enfin bref, il y a plein de trucs dont je ne me souvenais pas. Et en fait, en sortant du film, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est un film qui est sorti 15 ans trop tard. Ben, la bande-annonce faisait bien, enfin, ça se sentait, hein. C'était vraiment très années 90. C'est le Jumanji, c'est un Jumanji, quoi. Ah ben, tu penses automatiquement à Jumanji. Alors moi, j'ai pas détesté, parce que finalement, en fait, oui, le problème du film, c'est qu'il fonctionne pas aujourd'hui dans les canons d'aujourd'hui, en fait. C'est des personnages bateaux, t'as le beau gosse, t'as la voisine jolie, t'as l'ado qui est bouffé par ses hormones, enfin voilà, c'est vraiment les stéréotypes du film d'aventure sorti dans les années 90. Après, visuellement, faut dire ce qui est, c'est vraiment moche, hein. Ouais, enfin. Voilà, moi je trouve ça, voilà, désolé, hein, mais, ouais, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux en 2016. Puis après, le prétexte narratif, lui, il est pas extraordinaire, mais il fonctionne. En fait, je pense que c'était peut-être encore la meilleure façon d'adapter les chairs de poule. Mais en fait, c'est quoi? C'est tous les personnages qui sont ensemble ou... Alors, en fait, c'est... On parle pas des personnages. On n'est pas, par exemple, dans l'histoire du celle que je me rappelle le plus, le loup-garou des marais, où en fait c'était une famille qui habitait pas loin d'un marais, évidemment. Et du coup, il y avait des trucs bizarres qui s'y passaient. On suit pas ces personnages-là en particulier. On va voir la fameuse créature de cette histoire-là. Mais en fait, les personnages que l'on suit, c'est l'auteur des romans, donc R.L. Stine, qui est joué par Jack Black, qui en fait vit reclus un peu avec sa fille, et du coup il va y avoir les nouveaux voisins qui vont débarquer, donc le héros et sa maman. Et le héros va un peu s'interroger sur ses voisins un peu bizarres, enfin le père qui sort pas de chez lui, la fille qui va pas à l'école. Ouais, les beaux clichés. Voilà, les gros clichés, enfin des trucs qu'on a déjà vus plein de fois. Et en fait, si le père sort pas de chez lui, c'est parce que quand il écrit, en fait, il se passe un truc bizarre, c'est qu'il a la capacité de rendre vivante en fait ses histoires. D'accord. Et donc, un à un, les créatures vont commencer à s'échapper des livres. Et du coup, c'est ça qu'on suit en fait. Donc on va retrouver tous les personnages qu'on a pu avoir dans les livres, mais principalement que les créatures. Et du coup, c'est les humains qui sont dans la vraie vie qui vont devoir faire face à tout ça, quoi. D'accord. Donc c'est assez rigolo d'avoir finalement l'auteur qui est face à ses propres créations. Ouais. Mais après, voilà, ça reste un film très très classique dans la narration, et puis c'est des bons sentiments, quoi. Donc voilà. De toute façon, c'est pas une grande surprise, hein. Ça se sent à la minute qu'on voit l'affiche, à la minute qu'on voit la bande-annonce. Mais bon, voilà, je dirais pas que je me suis pas ennuyé, ça m'a quand même diverti plus ou moins. Mais je pense que c'est un film que j'aurais beaucoup plus apprécié à l'âge de 10 ans, par exemple. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, forcément, à 24 ans, ça passe pas. Tu te dis que c'est sympa, mais c'est pas pour toi, quoi. D'accord. Mais peut-être qu'un public plus jeune peut y trouver quelque chose. Mais bon, j'ai pas l'impression que le film marche si bien que ça. Je sais pas si l'histoire ou même les effets spéciaux donnent envie à un public. C'est pas hyper encourageant, quoi. Voilà, c'est ça. Morgan, tu l'as vu, toi? Je partage pas l'avis d'Eddie, je trouve que c'est vraiment mauvais de chez mauvais. Et pour le coup, très ennuyeux. Là, pour le coup, je me suis énormément ennuyé. C'est pour moi le contraire absolu. Ça veut faire du Jumanji, mais ça n'a ni la drôlerie de Jumanji, ni le rythme. Ah oui, j'ai pas dit que ça faisait c'était pas le nouveau Jumanji. J'ai dit que ça m'y faisait penser, le côté créature qui s'échappe d'un roman ou d'un jeu, comme tu veux. Oui, c'est ça. Mais ça en a pas l'étoffe. Pour moi, je suis beaucoup plus violent. Pour moi, c'est clairement un très mauvais hommage à l'œuvre de R.L. Stine, quoi. Et pour moi, il suffit pas de prendre, parce que le parti pris du film, c'était de dire, on va pas faire une adaptation d'un roman chair de poule, en soi, ça a aucun intérêt, parce que la série télé était là pour ça. Mais c'était de dire la série télé était déjà moyenne. Ouais, bon, c'était la série que je regardais. Enfin, c'était mon American Horror Story quand j'avais 6 ans, quoi. Mais bon, du coup, je regardais ça plutôt. Enfin, même aujourd'hui, je regarde ça. C'est kitsch, donc ça m'amuse un peu. Mais le problème, c'est que il suffit pas de prendre tous les monstres, de toutes les créatures du bonhomme, oui. De les mettre dans un film, de les faire se balader devant la caméra et tout, pour dire bah ok, du coup on rend hommage. Pour moi, c'est un peu le syndrome La Cabane dans les Bois, qui bon, en beaucoup encore plus mauvais que La Cabane dans les Bois. C'est pour dire déjà que j'avais détesté le film de Drew Goddard. C'est vraiment, on prend tout, on met tout, on fait tout péter à la fin, on en a rien à foutre. Et du coup, pour moi, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un film qui se veut rendre hommage à la. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait cette volonté de rendre hommage. Oh. En fait, moi, je l'ai pas senti. Bah, dès l'instant où tu mets le personnage d'Errol Stein, la façon dont il a, on l'héroïse quand même pas mal aussi. Hein, donc du coup, et d'ailleurs, on voit le Errol Stein faire un caméo à la fin. Je sais pas si. Oui. C'est tellement gros, je sais même pas à quoi il ressemble, mais quand on le voit, quand on voit un mec, je dis à mon avis. Mais c'est tu lui. Sais, oui, tu ouais, comprends. Tu comprends. Du coup, voilà, c'est un peu. Pour moi, non, c'est le Jumanji du pauvre, quoi. Et visuellement, c'est horrible. C'est moche. Mais j'ai trouvé ça moche. Oh, c'est pas possible, le film a pas été. Enfin, ils l'ont pas terminé. C'est. Il est encore en poste. Mais oui, c'est. Ouais, c'est une version test. Mais carrément, c'est. Ouais, t'as l'impression que c'est une. Les personnages sont assez insignifiants. La romance est niaise. Enfin, tout est convenu. Il y a juste le héros que j'ai trouvé plutôt bon, mais en même temps, il a joué dans Lost, donc je peux pas dire qu'il est mauvais. Donc du coup, voilà, non, pour moi, c'est même pas un bon divertissement, même pour les enfants. Il y avait des enfants dans la salle où j'y suis allé. Je l'ai vu en 3D en plus, et la 3D est même pas bonne d'ailleurs. Donc non, c'est pour moi, c'est pas un bon film du tout. À oublier, quoi. Et j'ai déjà oublié d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ok. Eddie, tu peux continuer sur Free Love. On aurait pu faire Deadpool. Deadpool, chair de poule. C'est... Bon, allez-y, on sera resté dans la thématique. Non, on va pas faire ça. On sera resté dans la thématique des volailles. Voilà. Voilà, merci Morgan. Ouais. Et moi, en plus, je parle de Free Love, donc si on voulait encore plus loin, on pourrait dire que c'est Deadpool. Enfin, bon, oh bref. Allez, t'as vu, moi aussi, je peux faire de l'humour. Hein. Alors, donc, Free Love, c'est un film avec Julianne Moore et Ellen Page, qui sont donc toutes les deux amoureuses l'une de l'autre dans le film. Contre nature. Comment c'est contre nature. C'est contre nature. Je l'ai pas vu celui-là, c'est dommage. J'ai raté. Alors, bof, je suis pas sûr que t'aurais tant aimé que ça en fait. Alors, Free Love, c'est typiquement le genre de film qui va se faire lyncher parce que il est américain, parce qu'il parle d'un sujet sensible mais de manière américaine. Donc, ça veut dire qu'on joue sur les bons sentiments, sur le côté tire-larme, mais que évidemment, c'est un petit peu triste et tout. Alors, en France, nous, quand on aborde le sujet de l'homosexualité. On se retrouve avec la boîte. Alors, on a au mieux La Vie d'Adèle ou au pire, on a Poltergeist. Et entre voilà. Deux, on a Gazon Monique qui est vachement bien. Et c'est vrai. J'y pensais pas à celui-là, mais c'est vrai qu'on a aussi ça. C'est très et très puis, beau. Aux États-Unis, eux, ils font Philadelphia ou ils font Free Love. Donc, en fait, c'est pas un film exceptionnel. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on voit dedans, on le sait déjà. La narration a rien de particulier, la mise en scène non plus, enfin c'est vraiment du champ contre champ quoi, il y a pas de mais en fait le film, il y a une vraie sincérité dans la manière de le faire et la manière de le raconter surtout, parce que finalement c'est un couple homosexuel qui vont se donc c'est deux filles qui vont se rencontrer, qui vont signer une union civile. Et qui vont acheter une maison, et en fait après l'achat de cette maison, donc celle qui est la plus âgée, Julianne Moore, elle va apprendre qu'elle a un cancer. Un cancer de stade 4, donc c'est déjà bien avancé. Elle sait que de toute façon, elle ne pourra pas guérir. Et en fait... Et son frère qui est joué par Kev Adams. Non, je déconne. Arrête. Non, arrête. C'est pas sympa pour Julianne Moore. Il voit des Kev Adams partout. C'est ça. Il a été traumatisé. Et du coup, elle est agent de police, elle. Et normalement, la loi, en fait, aux États-Unis, veut que pour les officiers de police, enfin ceux qui ont une place, en fait, tout ce qui est gardien de la paix, les pompiers et tout ça, normalement, le conjoint, en fait, de ces personnes-là peut récupérer les biens de la personne qui va décéder, en fait. Ouais. Sauf que là, vu que c'est un couple homosexuel, ça ne passe pas. Et donc, en fait, tout leur combat, en fait, ça va être de se battre pour que la compagne de Julianne Moore puisse avoir les mêmes droits que finalement les conjoints de couple hétéro. Le film est à quelle époque? C'est notre époque. C'est début 2000. Ok, d'accord. Ouais. Ah, j'imaginais en 90, moi. Ah non, non, non, c'est début 2000, ah, donc ouais, c'est quand même, bah, c'est quand même plus ou moins d'actualité. Bon, et puis depuis, il y a le mariage gay partout aux États-Unis et en France. Oui, aussi, bien sûr, ouais. Mais après, il y a, en fait, c'est que le film montre aussi ça dans le, vraiment, c'est plus dans un petit microcosme, en fait, parce que ça, aux États-Unis, c'est certains États et du coup, certains comtés qui n'ont pas les mêmes lois que d'autres. Ouais, ouais. Et en fait, là, ça se passe dans un comté bien précis. Dans du sud, non. Non, même pas, je sais plus où que c'est. Je sais plus exactement. Je attends, je vais chercher. Dans le New Jersey. Ah, ok, ouais, donc c'est. Donc c'est pas le nord, sud. Ouais, donc, Et du coup, voilà, elles vont se battre pour ça. Et moi, je trouve que voilà, ce que le film raconte, bon, il le fait bien, quoi. Il y a pas de, c'est sans fioriture, mais ça s'assume en plus. Et en fait, le film s'est un petit peu fait démonter chez nous en France parce que ben nous, on n'aime pas. Enfin, on n'est pas. La critique chez nous n'aime pas trop les films qui jouent sur la corde sensible comme ça, surtout avec un sujet pareil. Sauf que ce qu'on fait en France et ce qu'on fait aux États-Unis, c'est pas la même chose, et c'est surtout pas la même chose qui marche auprès du public chez eux. Un film comme ça fonctionnera beaucoup plus facilement. Eux, ils sont plus dans l'émotion forte, sensationnelle, alors que nous, on est plus dans la retenue, quoi. Donc en fait, enfin, si je parle de ce film-là, c'est un peu pour le défendre parce que je trouve que ben il est injustement décrié, quoi. On sait bien que ça va être très académique et tout, mais comme je l'ai dit, il y a une vraie sincérité de faire en fait derrière que du coup c'est un petit peu dommage qu'ils se prennent tout ça dans la gueule, quoi. D'accord. Donc voilà, mais bon, si ça reste un film, oui, c'est plan-plan, c'est oui, pas. C'est attendu. C'est attendu. Évidemment, la fin, on la voit venir aussi. Oui. Hein, on sait pas si elles vont avoir justice ou non. Mais on sait que de toute façon, dans les deux, il y en a une qui va décéder. Ça, c'est clair. Ouais. Et on sait qu'à la fin, il y aura les violons et que ce sera triste. Et nanana, nanana. Ouais. Mais à côté de ça, il y a des choses qui fonctionnent bien. La relation entre les deux personnages, on y croit. Moi, enfin, personnellement, j'ai pas eu de mal à me mettre à leur place. Voilà, enfin je veux dire c'est con, mais moi j'ai pensé à mon couple, quoi. Je me suis dit bah oui, imagine-toi dans cette, enfin je me suis imaginé dans cette situation là et bah, moi aussi j'aurais envie de me battre que pour que la personne qui est avec moi puisse avoir des droits, enfin c'est tout bête, quoi. Et ça a vraiment fait appel à ces émotions là et bah oui, moi ça m'a touché. Ouais. Et donc voilà, je non, Free Love, c'est pas original, d'accord, mais c'est pas non plus honteux, quoi. Et je veux dire, il y a quand même bien pire sur le sujet. Ouais. Donc voilà. Puis les deux actrices sont très bien. Ouais, sur le sujet, j'ai un souvenir douloureux du. Tu sais le truc affreux avec Sigourney Weaver, là. Comment ça s'appelle? Où est son fils se suicide, là, ou je sais pas quoi. Ah ouais, Bobby seul contre tous. Ah oui, oh, ouais. Dieu. Ça, moi je peux pas. Hein. Par contre, ça, là pour le coup, Free Love, il est pas dans cette optique-là. Free Love, en fait, il cherche pas. C'est plutôt dans le, Free Love a plus cette volonté de développer le combat en fait des deux femmes. Alors que Bobby seul contre tous, c'est vraiment dans le tir larme avec la mère qui finalement s'en veut et tout. Ouais, ça c'était pas possible par contre. Là par contre non, là j'ai pas pu. Mais Free Love est pas dans cette démarche là parce que d'un côté bon ben t'as celle qui a le cancer puis qui se laisse un peu aller, puis t'as l'autre non qui veut pas abandonner et tout et mais en fait les personnages sont assez forts à la base. Donc ça fonctionne plutôt bien. Là, après c'est que et on n'est pas dans le misérabilisme et ça c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'on c'est un travers dans lequel le film aurait pu tomber. Et on n'est pas là-dedans. Donc ça c'est bien. D'accord. Alors que Bobby seul contre tous, on était vraiment dans l'archétype de la mère ultra catho qui s'en veut et puis que ses limites, elle va pas s'habiller avec un rideau arc-en-ciel et tout. Enfin, c'est non, là, non, on est vraiment ouais, pas mais là-dedans. Les gens te diront mais c'est une histoire vraie. Oui, là aussi, Free Love, c'est une histoire vraie, voilà. Évidemment, il joue là-dessus et tu l'as tiré d'une histoire vraie au début et puis tu as à la fin l'épilogue et tout, mais c'est qu'en fait, au bout d'un moment, si tu te mets des barrières, c'est ça en fait. Le problème, c'est que moi, je serais le premier à faire ça, à me dire que bah, évidemment, ça va me gaver, parce que ça va te tirer l'arme et tout, mais je me dis en même temps, il y a qu'aux États-Unis qui nous proposent des films avec des sujets comme ça et chez nous ils le font pas. Donc au bout d'un moment, faut bien se rabattre sur quelque chose quand t'as envie de voir un film de ce style-là. Ouais, mais... Il faut savoir passer outre tout ce côté un peu outrancier du tir-larme et de l'émotion, quoi. Mais à côté, tu vois, au Royaume-Uni, ils arrivent à faire Pride, quoi. C'est ça. Voilà. C'est quand même une autre gueule. Ah oui, c'est autre chose. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Pride, c'était bon. J'ai envie de le revoir. Mais Pride, c'était vraiment très bien. Mais d'ailleurs, le film n'a pas fait penser à Pride, mais je trouve que c'est plus dans la lignée de Pride, par exemple, que de Philadelphia. D'accord. Curieusement. Okay. Ben, en parlant d'histoire vraie, on va parler de Deadpool. Non, on va parler de The Revenant. donc Morgan va nous parler de The Revenant. Moi, enfin personnellement, j'aurais vraiment voulu le voir. Je devais le voir, mais je vais le voir dans 2 jours. Donc voilà. Ça va être rapide parce que tout le monde, pas de spoil pour moi non plus. Voir, tout le monde va dire que c'est un chef-d'œuvre et tout le monde aura raison de toute façon. Et puis Leonardo a eu son Oscar. Hein. Oui, alors... Pour ceux qui nous écoutent et qui sont toujours pas au courant, là... Oui, voilà, si vous n'avez pas vu les... Si vous, n'avez si pas vous habitez vu dans une grotte et que vous avez la DSL pour nous écouter, normalement vous êtes au courant que Leonardo a eu un Oscar. Et si vous n'avez pas vu les 250 gifs parodiques avec DiCaprio qui crie « Je suis le maître du monde » avec son Oscar à la main, si vous n'avez pas vu tous les gens qui hurlent l'Oscar avec des cœurs du genre « Ça y est, Leonardo, il a son Oscar » comme si il avait guéri... le cancer, oh là là, voilà. Exactement. Je suis extrêmement mauvais, je suis très mauvais perdant parce que Fassbender devait l'avoir et moi et personnellement je suis content pour Léo. Je suis content pour Léo, mais je sais pas ce qu'il vaut dans le film parce que je l'ai pas vu. Mais les craintes que t'as sur sa prestation, elles sont vraies parce que effectivement, il est dans la surperformance, oui, il est dans le. Mais bon, c'est un peu, voilà. Il est un peu comme ça dans pas mal de films. Même bon, le problème c'est que ça m'énerve parce que je sais qu'il est dans la surperformance, mais je trouve qu'il joue bien quand même. C'est ça le problème. Il est parfait. Attention, c'est un super bon acteur. C'est pour ça que je suis content qu'il ait son Oscar. Mais c'est un Oscar carrière, quoi. C'est pas un Oscar pour le rôle. Oui, mais alors qu'un Oscar à la base, un peu plus penser à ça quand même. Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à oublier que les Oscars, ça récompense un rôle dans un film et pas une carrière. Il y a les Oscars d'honneur pour ça. Mmh. Tu vois. Ouais. Du coup, voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu parce que pour moi, DiCaprio devait l'avoir depuis Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Il était exceptionnel dans le film de Spielberg, même dans Aviator. J'aime pas trop le film, il était magnifique. Du coup, The Revenant, c'est une claque. Clairement, c'est une claque. J'avais peur parce que on est quand même dans un film qui dure 2h30. Je savais que c'était un film qui était assez lent, plutôt douloureux, m'a-t-on dit, et j'avais un petit peu peur de ça, du film un peu nombriliste, un peu prétentieux, on va le dire, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais j'avais vraiment peur du gros film à Oscar en disant regardez ce que je sais faire et tout. Il y a des personnes qui ont vu le film qui ne l'aiment pas et qui disent exactement ce que je suis en train de dire. Sauf que moi, je trouve que The Revenant, en termes de proposition de cinéma, c'est ce que j'ai vu de plus fort depuis Gravity. Mmh. Ah ouais. En matière d'immersion. Ouais, parce que. Ah, ils sont forts, ces Mexicains. Ah putain, ouais, Gravity. C'est ce que j'étais en train de penser. Ah ouais. Ah, les bouffeurs de tortillas, franchement, c'est des. Ah ouais, franchement, ça les. Niveau expérience, ils s'y connaissent, quoi. Mais vraiment, c'est vrai qu'ils ont un sens de l'immersion, quand même. Ouais. Bah oui. Mais c'est con, hein, mais c'est vrai que les films les plus immersifs que j'ai vus, ils étaient quasiment tous réalisés par des Mexicains, en fait. Donc. Exactement. Et ben non, mais en plus, j'y pensais pas, en fait. Mais effectivement, c'est vrai que Cuarón. Ouais. Donc, du coup, c'est ça qui ressort du film. Alors. C'est pas le même plaisir. Parce que Gravity, il y a un plaisir, il y a le plaisir du suspense. Que The Revenant est un film profondément désagréable à regarder. Oui. C'est un film malaisant, qui te torture, qui te retourne les tripes, qui, à plusieurs reprises, j'ai eu des nausées 2 fois pendant le film, ce qui est très rare. À aucun moment, je suis pas mal écœureux, moi, tu peux me montrer n'importe quoi, je vais jamais avoir des haut-le-cœur, rien. Ouais, sauf quand je vois quelqu'un avec un cure-dent dans la bouche, ça me stresse souvent. Quand j'étais petit, j'ai failli m'étouffer avec. Hein, bref. Bon, sinon au cinéma, tu peux tout montrer. À aucun moment j'ai des. Mais là, c'est une expérience absolument désagréable, mais qui d'un point de vue cinématographique est passionnante tellement elle est mais virtuose à tous les niveaux. Et justement, le lien avec Gravity, c'est le même chef-op, Emmanuel Lubezki, qui a eu l'Oscar du meilleur effet visuel de machin truc. Tellement compliqué. Meilleure photo, c'est extrêmement légitime d'ailleurs. Ah, attends, quand t'as Emmanuel Lubezki de nommer, c'est compliqué de pas lui donner. Hein. C'est vrai. Mais t'as ceux qui l'auraient donné à Mad Max quand même. Qui disent, ouais, mais bon, il y a Manu, et quand Manu est là, bon, voilà. Ouais, et c'est vrai que The Revenant. De The Hateful Eight, mais. Ah oui, c'est vrai. Non, quand même. Non, Zero Dawn, c'était. Ouais, je l'ai pas vu Zero Dawn, mais je pense que non, c'est. Non, mais visuellement, Zero Dawn, ça surpasse voilà, vraiment, ça, mais pas mal de trucs. Même en ayant vu que la bande-annonce, tu sais que de toute façon, t'es plus dans l'expérience que dans le film simple. En fait. Exactement. C'est ça, c'est une grande expérience. Alors après, en effet, le scénario, en tout cas les enjeux du scénario sont extrêmement minces. C'est juste donc l'histoire, hein, c'est DiCaprio qui se bat contre des Indiens, qui va être laissé pour mort suite à sa violente altercation avec un ours. La scène d'ailleurs, elle est extrêmement mais tétanisante. Elle dure 5 minutes, tu vois DiCaprio se faire rouer de se faire mordre, se faire malmener, enfin c'est extrêmement dérangeant de regarder ça. Ah mais oui, mais la scène, oui, puis surtout que le film enchaîne quand même des mini plans séquences et tout, enfin c'est assez assez flippant à regarder. Donc du coup, il va être laissé pour mort par Tom Hardy, enfin Tom Hardy qui est exceptionnel dans le film, peut-être même meilleur que DiCaprio. Et Tom Hardy donc va tuer son fils et DiCaprio qui n'est pas mort va chercher à se venger. Donc c'est une histoire de vengeance toute simple. Ah, d'accord. Il y a vraiment parce qu'en fait DiCaprio est un boulet en fait, il est à moitié mort. Et en gros, il veut abandonner DiCaprio et le fils de DiCaprio va pas vouloir laisser Tom Hardy faire et Tom Hardy va le tuer pour qu'il se taise. Donc son film c'est son fils c'est Will Poulter. Ah non. Ah bon, d'accord. Non, son fils c'est un Indien. Mimi Sicu, on l'appellera. Le seul Indien qu'il connaît c'est Mimi Sicu. Bah il y a que lui, oui. Et Will Poulter est excellent. Et du coup, les enjeux du film sont extrêmement simples en fait. C'est pas un film de. Enfin, les gens ont tendance à croire qu'écrire un scénario, ça veut dire faire du compliqué, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en effet, les enjeux sont extrêmement simples. Non, c'est écrire un bon scénario qui compte. Mais le scénario est tellement bon, mais il est transcendé par la mise en scène de. Parce que moi, on m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup d'incohérences. Un petit peu, mais même. Il y avait beaucoup de choses pas logiques, en fait. C'est vrai, mais en même temps, en fait, j'ai même pas envie de pinailler sur le film, parce que on pourrait, parce qu'effectivement, comme tout a un rapport avec la mort, etc., il y a Iñárritu avec la non-subtilité qu'on lui connaît et qui fait un peu sa caractéristique en soi, il a tendance à faire des il ponctue son film d'effets un petit peu ostentatoires, un peu lourdingues. Quand tu regardes bien, quand tu t'attardes bien sur un détail, tu te dis putain finalement ça c'est lourd. Mais au final, le film il est tellement lourd en lui-même que la lourdeur de ses effets, ça épouse. C'est un ensemble quoi. Du coup, j'ai même pas envie de lui reprocher. Ça m'emmerderait de lui dire oui il y a ça qui va pas, il y a un peu de ça. C'est vraiment des petits détails à droite à gauche parce que j'ai tellement été pris au trip en regardant ce film-là et à ma grande surprise parce que je faisais vraiment pas partie de ceux qui fantasmaient sur le film avant de le voir. Au contraire, j'y allais vraiment avec énormément de crainte. C'est extrêmement lent, donc du coup c'est une expérience, mais quand je dis que ça prend au trip, mais c'est vrai, c'est vraiment un coup de poing dans le ventre, en fait on te déplace tes organes, enfin tu sens Iñárritu. C'est un chirurgien. Ah non, mais c'est extrêmement malaisant à regarder, c'est une il fait des fajitas avec. C'est dégueulasse. Et du coup, c'est vrai que quelle horreur, putain. Hein, j'ai l'image en tête, c'est horrible. Ouais. Je pense que j'adore les Avec avec Danny Trejo, tu sais. Ah, arrête. Donc du coup, non, je veux redevenir sérieux. Ouais. Non, c'est un immense film, une immense expérience. Il faut absolument voir. Ça a l'air très voir. Spirituel, enfin, sur ce. Alors, exactement. Le côté spirituel fait partie des petites lourdeurs du film parce qu'il peut pas s'empêcher quand même de faire d'aller vers la symbolisme. Et la symbolisme est un petit peu lourdingue en effet. J'ai beaucoup pensé à Terrence Malick en regardant. C'est pas évident de traiter le symbolisme dans les films. Ouais. T'en as qui le font très bien, genre Terrence Malick. Justement, alors moi je n'aime pas du tout La Ligne Rouge, mais ça m'ennuie. C'est un bon film en soi, mais le film m'ennuie profondément. J'ai beaucoup pensé à La Ligne Rouge parce qu'il y a des plans, notamment la scène d'attaque dans le village avec la caméra qui suit les personnages. La scène d'intro fait énormément penser à ce moment-là. Tu sens vraiment que l'ombre de Malick plane au-dessus de ce film-là. Donc il y a un côté Malick en version beaucoup plus pessimiste, j'ai envie de dire, beaucoup plus violent, beaucoup plus noir. Mais c'est un western. C'est un western. Alors moi au début je pensais que ça se passait dans le monde. Je pensais que ça se passait dans le monde moderne. Alors en fait pas du tout. Ah bon? Je pensais. Comment t'aurais pu trouver? Attends. J'en sais rien. Moi je me dis mais ils sont où? Enfin non mais j'étais pas renseigné sur le film. Moi j'avais vu quelques images vite fait. T'as pas vu la bande annonce entière? Mais c'est Amérique du Nord. Non j'avais pas vu la bande annonce entière. J'avais pas vu la bande annonce entière. Ah d'accord, ouais, d'accord. Parce que sinon tu serais tout de suite dit que c'est pas notre époque. Oui. Hein. Oui, non mais oui, en effet. Non mais moi en allant voir le film, je me suis dit c'est un western moderne. Puis au final, c'est vrai, j'ai vu les Indiens, ça va peut-être pas finalement. Non. Mais je pense pas qu'ils sont en train d'attaquer des villages en ce moment. Non. Du coup. Donc non, c'est une magnifique expérience désagréable, mais qui, ça fait du bien de voir des films comme ça. Mm. Parce que le cinéma, c'est pas que du. Enfin, je défie quiconque de me dire j'ai pris du plaisir, c'était sympa à regarder. Mm. Non, The Revenant, c'est pas sympa à regarder, c'est douloureux. Mais en même temps, on ressent toutes les douleurs de DiCaprio dans le film. Il a bien précisé que c'était ce qu'il voulait, hein, Craig. C'était ce qu'il voulait, mais mission réussie à 100%. Et puis le cinéma, ça doit pas être non plus que du plaisir, que du plaisir, etc. Enfin voilà, il peut aussi avoir d'autres expériences, d'autres émotions. Hein, c'est pas non plus. Et toute cette douleur qu'on ressent, mais c'est surtout servi par une mise en scène absolument dingue. Il y a des plans qui sont hallucinants de beauté. Je me demande vraiment comment il a tourné ça. Il y a des moments où il y a la caméra qui tourne à 360 degrés. Enfin, il y a des moments vraiment mais dingue, quoi. J'ai envie de le revoir pour ça. Mm-hmm. Après, effectivement, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a ceux qui vont s'ennuyer parce que ça dure 2h30, parce que ça a son rythme aussi. Et aussi, la violence absolument barbare du film. C'est une violence qui, pour moi, dépasse l'entendement. Mais en même temps, le cinéma sert un peu à ça. Ça secoue un petit peu. Ouais. Et honnêtement, à celui-là, j'aurais donné l'Oscar du meilleur film sans problème. Mais comme il y avait Birdman, il pouvait pas l'avoir, je pense. Ouais, ça doit être. C'est dommage il est d'ailleurs. Meilleur réalisateur, hein, c'est ça. Ouais. Meilleur réalisateur. Deux années de suite. Ouais. Deux années de suite. En plus, c'est assez rare, je crois. Moi, j'aurais donné meilleur réalisateur à George Miller et meilleur film à The Revenant. À la limite. Okay. Mais du coup, c'est vrai que c'est un film. Enfin, c'est un film fondamentalement important à voir parce que, en matière d'immersion, en matière d'expérience cinématographique, il se pose là où s'est posé Gravity en 2013. Bon, je préfère Gravity, c'est moins long, etc. Bon, voilà. Mais The Revenant, c'est tout aussi monumental, formellement. C'est un grand film, mais c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a ceux qui, même, voilà, Eddie, on en parlait, sur un groupe. C'est clairement pas le film que. Enfin, c'est un film que j'ai avoir du mal à regarder. Ouais. Mmh. Ah, surtout toi qui es sensible aux animaux, là on voit vraiment même, des chevaux pas, se faire même abattre. Pas que ça, hein. Oh, enfin, niveau sensible. Bon, j'ai quand même vu un cheval se faire décapiter dans Game of Thrones. Hein. Alors c'est assez furtif, mais bon. C'est. Voilà, mais après, je sais que. Non, mais de toute façon, la violence en général me. Je suis pas à l'aise avec ça, quoi, c'est tout. Ah, mais là, pour le coup, tu vas en prendre pour ton grade. Mais, c'est une histoire qui est belle. Alors, j'ai envie de dire, c'est une belle histoire. C'est le seul mot un peu édulcoré que je vais dire sur ce film. Mais il y a des scènes qui sont vraiment dantesques. La scène de fin, il y a un combat final qui est absolument fou. Il y a des adjectifs comme ça qu'on n'ose pas employer parce que dans le truc, c'est. Bah oui, c'est pas un beau film. Si, c'est un beau film, mais faut dans pas la avoir forme. Peur, il y a des films, ouais. c'est des beaux films. Oui, c'est vrai, il y a des films très très beaux. Voilà. C'est un bel objet de cinéma parce que c'est je pense que ce serait intéressant à étudier, même le contexte est assez fort, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à aborder. Même moi, en sortant de la salle, j'ai appelé Quentin d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui. D'ailleurs, qui a fait une critique sur le site, vous pouvez aller. Ouais. Moi, je l'ai pas lu parce que je voulais pas me faire spoiler. Moi aussi, pas encore. Mais franchement, en sortant, il me fait ça va, j'ai dit, mais je suis pas bien, je me sens mal. J'étais pas bien en sortant de la salle. Ouais. Et il me fait, mais t'as pas aimé? Bah si. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais le cinéma sert à ça. Ouais, ça sert à secouer. De temps en temps, on a besoin. Ça sert aussi à secouer, parfois. Ah, mais c'est même pas secouer. Là, t'es torturé pendant le film. Ouais. Je veux dire, t'as la torture. Enfin, là, c'est vraiment une torture qui prend aux tripes. Mais c'est même physique. Et un truc de fou. La salle était chauffée. J'avais froid dans la salle. Ouais. Quand tu vois DiCaprio dans sa peau de bête pour se projeter, mais j'ai vécu le film physiquement. Et en plus ils ont tourné sur les locations, aux endroits précis, où il faisait moins 20 degrés, etc. Moins 20, oui. Ouais, c'est ça à peu près, c'est ce que j'avais entendu. Bah, ça vaut bien Oscar. Ça vaut bien un Oscar quand même. C'est même pas un bémol en soi, DiCaprio est super. Après, effectivement, si on regarde bien, ça fait partie, et là encore une fois, j'ai pas envie de, de pinailler sur ça, mais effectivement DiCaprio fait un rôle à Oscar, il se met un peu en danger, enfin voilà, il tourne à moins 20 degrés, effectivement, mais il le fait génialement, mais on oublie aussi beaucoup de parler de Tom Hardy, qui est, alors moi c'est un acteur et j'avais beaucoup de mal, dans Mad Max je déteste, hein. il a quasiment pas de rôle, enfin. Bah justement, enfin le côté mutique me gave chez Tom Hardy. Dans Legend, sur les deux prestations, il était mauvais sur l'un, mais bon sur l'autre. Dark Knight Rises, ça passe. Ouais, franchement ça va, moi je. Ça me dérange. Mais c'est là, pas celui qui me dérange. J'ai pas de mal. Mais là, Dark Knight Rises, il y en a beaucoup qui trouvent que. Son personnage me dérange pas. Après, il y a quelques. Oui, forcément. Mais... Quelques problèmes dans le film, mais bon, voilà. Mais Tom Hardy est un. Voilà, j'ai redécouvert Tom Hardy, le côté bestial et tout, et c'est vrai que la fin. Et c'est surtout ce que ça dit, parce que la nature est calme et tout, mais c'est les animaux. Enfin, les hommes qu'on voit dans ce film-là, c'est des animaux barbares, quoi. Mmh. C'est des bêtes assoiffées de sang, et la fin, qui est un combat final, c'est attendu, on le sait, mais c'est vraiment un combat de loup, quoi. Ces deux bêtes qui s'affrontent, mais avec une bestialité, mais absolument incroyable, alors que ce sont des humains, et même, le moindre bruit de couteau qui se plante dans la chair, mais tu le ressens physiquement, c'est incroyable. Honnêtement, la démarche de Cameron, le film, peut-être parce qu'après il y a l'immersion aussi du fait de le voir en salle de cinéma. Peut-être que chez soi c'est un peu atténué, non ? Alors j'attends de le revoir. Gravity, je pense. Enfin. Alors en Gravity l'immersion marche moins, mais l'émotion marche toujours parce qu'il y a les thématiques dans Gravity. C'est ça aussi qui est beau. Après y revenant. Gravity, je serais curieux de le revoir. Ouais, pareil, je l'ai toujours pas revu. Moi je l'ai revu chez moi, je l'ai en Blu-ray, mais je serais curieux de le revoir du coup chez moi mais en 3D. Peut-être qu'avec la 3D, ça aide quand même à. T'arrives peut-être à retrouver un peu l'immersion qu'il y avait au cinéma. Il y a tout le travail sonore de Gravity que tu pourras jamais retrouver chez toi. Après, si t'as un bon 7.1. Ouais, d'accord. C'est sûr. Écoute, moi j'ai. Oui, non, c'est sûr. C'est... Bah écoute, je suis désolé, j'ai un home cinéma qui est très bien. C'est personnel, mais moi Gravity, je l'ai regardé sur mon écran LED en bas, je crois que ça fait 120, je sais plus combien. Bon, j'ai pas de home cinéma, c'est passé nickel. Hein. On perd forcément en immersion, mais de toute façon, j'ai envie de dire, même pour une comédie, tu la vois en salle, tu sais, t'as les gens qui rigolent, ça porte. Quand t'es tout seul chez toi, par la salle. Justement, en parlant d'expérience de salle, on parlera plus tard d'une expérience personnelle sans utopie. J'en parlerai un peu plus. Et moi aussi, sur un autre film. C'est un film important à voir. Allez le voir. D'ailleurs, il avait fuité sur le net. Il avait fuité. C'est dommage. Mais je le reverrai quand même chez moi. Je veux pas le revoir en salle parce que effectivement, c'est toujours intéressant quand un film joue à ce point-là sur l'immersion. De le garder en mémoire pour la première. Mais donc, de là, garder en mémoire. Moi, ce que j'en retiens quand même pour toi, c'est que t'as rarement vu film aussi violent, quoi. Ouais. D'accord. Et pourtant, il en faut beaucoup. Parce que pourtant, t'en as vu des films violents. Donc, j'ai trouvé The Revenant plus barbare que Serbian Film, par exemple. Tu l'as vu, ce film plus gratuit. Ah ouais. Je l'ai pas vu, mais apparemment, c'est un peu The référence. Ouais. J'ai pas osé le voir, parce que. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vraiment. Ça m'a retourné, quoi. Ce film m'a retourné, mais en même temps, j'y suis un petit peu allé pour ça aussi, et c'était la démarche d'Inarritu, donc mais au bout d'un moment, façon, il a... Ça se sent, voilà, hein. il a... Quand tu en parles, on sent bien que ça t'a pas... Ça n'a pas été une expérience agréable. Oui, parce que en plus de ça, d'habitude, j'essaye de dire un peu de parler de la mise en scène. Là, j'ai vraiment du mal à parler de la mise en scène, des décors. J'essaye un petit peu, parce que le film a tellement marqué, en tout cas dans ce qui m'a fait ressentir... Que du coup j'ai vraiment du mal à avoir. Donc c'est pour ça le revoir une deuxième fois chez moi. Parce que je pense qu'il y a quand même des plans contemplatifs qui doivent être assez. Forcément. C'est incroyable quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de Malick. Il y a vraiment. Enfin, c'est la ligne rouge version. Très hardcore, ouais. C'est la version snuff de la ligne rouge. C'est magnifique à regarder parce que voilà, les décors sont splendides. Ouais. Il y a des plans larges. Incroyable quoi. Mmh. Au cinéma, c'est exceptionnel. DiCaprio est parfait, Tom Hardy est génial. Enfin, je veux dire, non, c'est un grand film et voilà, encore une fois, cette année, on a, je pense, qu'on tient le film d'immersion ultime quoi. Là on l'avait avec Gravity en 2013, là cette année c'est-à-dire cette année dans tous les genres voilà, le western chez Tarantino, le biopic chez Danny Boyle, le film, voilà, franchement on a des films parfaits dans leur genre, dans leur domaine, ça fait plaisir. Voilà, donc ben on va passer maintenant au coup de gueule. Tu parlais de torture avant. C'est un bon adjectif pour qualifier le prochain film, je crois. Même oui, si je pense oui, alors je pense que j'avais oublié. Ouais. Tu parles d'un film qu'on a vu tous les deux, oui, c'est ça ? Exactement. Oui, alors effectivement, je vais refaire ma phrase. Non, tous les films ne sont pas parfaits dans leur genre. Voilà. Voilà. donc, mais de toute façon, il y en a beaucoup qui vont sortir dans ce genre-là spécifique cette année. Donc, on va encore avoir, je pense, des bonnes surprises. Cette année, comme tous les ans, oui. L'année dernière, il y en avait 3. Hein. Et pas des super bons. Hein. voilà. Donc, on parle de Deadpool. alors, on va se faire sûrement lyncher, hein, Morgan et moi. Mais, moi, je ne l'ai pas vu encore. De ouais. toute façon, on ne va pas spoiler. Et même pour ce qu'il y a à spoiler pour ce moi, film. Moi, j'ai été découragé de le voir. Donc... on l'a tellement dégoûté avec. Mais c'est même pas que vous. C'est que finalement, je pense que sur 10 avis, j'ai dû en avoir que 2 de positifs. Donc, ouais. Donc voilà, on parle de Deadpool, on va sûrement se faire haïr par les gens qui l'ont aimé, mais bon, voilà, c'est aussi ça. Donc tous les jeunes de 13-14 ans. Et pas que, hein, pas que. C'est quand même un film qui plaît beaucoup, enfin, c'est beaucoup les collégiens qui aiment ce film. Je trouve que, au contraire, ce que j'appelle les érudits de Twitter, tous ceux que je suis vraiment sur Twitter, on va dire les adultes, on va dire, il y en a beaucoup qui pointent ses défauts. En général, ceux qui aiment, c'est ceux qui ont 13, 14, 15 ans, quoi. Ouais. Donc, Deadpool, c'est réalisé par Tim Miller et c'est sorti en France le 12 février 2016. On retrouve le casting Ryan Reynolds qui reprend son rôle après un certain X-Men Origins que je préférerais revoir que celui-là. Hein. Donc, ah oui, quand même. Ouais. On découvre aussi Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller et Gina Carano. Donc, personnellement, c'est un film que j'attendais, même si toute la hype autour du film commençait à me saouler. Parce que ça faisait vraiment « Oh, regardez comment on est subversif, on va faire tous des trucs que les films de super-héros n'ont jamais fait, on va être les premiers à faire des choses extraordinaires. » Alors moi, je pourrais... Oui, pourquoi pas, c'est bon de rêver. Ouais, c'est bon de rêver, déjà parce que ça existait bien avant les films de super-héros, en plus bien faits, qui étaient subversifs. D'ailleurs, je parle... Enfin, pour moi, l'exemple même du film super-héros subversif qui marche super bien et qui est proche du chef-d'œuvre. C'est, je sais que tu t'attends que je dise quelque chose et je vais pas dire ça en fait. Ah, c'est pas ça ? C'est quoi ? C'est super. Ah, Scott Pilgrim. Non, c'est super de j'oublie son de nom. De James Gunn. Ouais, James Gunn. James Gunn. Pour moi, proche du chef-d'œuvre au niveau de films de super-héros subversifs, qui est vraiment exceptionnel. C'est un petit film pas très connu, mais qui mériterait d'être plus connu, je pense. Et était connu au moment où justement les Gardiens de la Galaxie est sorti, les gens se sont intéressés à ce film là. Ouais, et vraiment très très bon. Aussi Kick-Ass, bien sûr. Voilà. Surtout. Non, moi je pense que Super est meilleur que Kick-Ass, mais bon après. J'ai pas vu Super, donc je peux pas. Mais je te le conseille, même si parfois il y a quelques effets kitsch, mais sinon c'est très très bon. Mais voilà, on n'est pas là pour parler d'un bon film, on est là pour parler de Deadpool. Donc moi personnellement, j'adore le personnage, c'est un de mes personnages de comics préférés. Je l'ai connu quand j'avais 12-13 ans, donc c'était l'âge parfait pour découvrir un héros comme ça. Mais ceux qui vont découvrir le film. Vont penser que l'humour de Deadpool, c'est l'humour de ce film, ce qui est pas vraiment le cas en fait. Deadpool, c'est quand même un peu plus dans la plupart des comics, c'est quand même un peu plus recherché que l'humour pipi caca de ce film. C'est ce que je disais, je crois que je l'ai marqué sur Twitter, il suffit pas de dire caca prout bite pour être marrant, et c'est justement le film, c'est ça en fait. Pour être insolent surtout. Voilà, et c'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Voilà, je suis sorti énervé de cette salle parce que j'attendais quand même le film. Le personnage me tient beaucoup à cœur et on aurait pu tellement faire mieux avec ce et film. Et surtout que c'est un peu l'impression que aux yeux des fans, c'est un peu le personnage maudit aussi quoi. Qui jusque là, bon, qui apparemment n'a toujours pas, et jusque-là n'a jamais eu une adaptation correcte. Ouais. Aux yeux de certains fans, il est très bien. Bon, après, moi, je respecte tous les avis, hein. Vous avez le droit d'aimer le film, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est sûr que le personnage n'a pas eu beaucoup de chance, surtout sur X-Men Origins et sur ce film aussi. Voilà. Bien sûr, il y a genre sur autant de blagues qu'il lance dans le film, il y en a bien une ou deux qui fait mouche. Il y en a une ou deux qui sont marrantes, voilà. Mais après, c'est vraiment pas bien écrit. C'est dégueulasse, la réalisation est horrible. Elle est insupportable. Tu peux même pas dire qu'elle est dégueulasse, non, elle est inexistante pour moi. C'est insupportable. J'ai même pas d'exemple pour vous décrire l'horrible. Ce que c'est sur l'écran, quoi. Dès la scène d'intro, ça sent mauvais. C'est son premier film à Tim Miller. Ouais. Il a fait des courts-métrages et des films. Des petits films pas très connus, mais c'est son premier gros film, premier film véritable en fait, mais là, c'est pas un exemple. Le film est vraiment pas bon au niveau de sa mise en scène, au niveau, les acteurs sont vraiment pas crédibles. Ryan Reynolds, il est risible pendant tout le clown, film. Il fait vraiment le clown, mais il est insupportable. Mais après, les gens, ils vont dire oui, mais c'est le personnage, mais non, oui, mais bon. Mais, non, d'accord, il est un peu insupportable parfois dans les comics, et le personnage est comme ça, mais il est pas aussi. Il parle pas tout le temps de cul comme ça. C'est vraiment toutes les deux secondes, on a l'impression qu'il fait. Enfin, on n'a pas l'impression. Hein, c'est le cas. Il fait une analogie sur la sodomie ou sur je sais pas quoi. Mais c'est dégueulasse. En plus, c'est mal écrit, c'est mal formulé. Les blagues sont pas drôles. Bon, j'ai l'impression de me répéter un peu sur le film, mais. En plus, la violence, oh là là, tout le monde dit, oh là là, qu'est-ce que c'est violent, oh, j'ai jamais vu ça. Alors là, mais totalement. Moi, je rigole quand j'entends ça, mais je rigole. Mais oui. Mais c'est tellement pas violent que, enfin voilà, c'est comique. C'est la violence est comique dans ce film. C'est pas un bon point. Donc j'ai à peu près la musique, ça va. Les musiques additionnelles sont cool. Angel of the Morning de Juice, je sais pas qui, Newton. Et puis au début, mais c'est une musique géniale. Ouais. Il y a quelques musiques qui ont été créées spécialement pour le film et qui sont pas mal. C'est pas dégueulasse. La bande son est plutôt correcte. Franchement, c'est un des meilleurs points du film. Et pour moi, le meilleur point du film pour moi, c'est le meilleur caméo de Stan Lee. Point. Voilà. C'est un des meilleurs caméos parce que c'est un des plus marrants. Mais après, tout le reste de la scène est dégueulasse, donc ça gâche tout. Mais j'ai vraiment pas aimé ce film, je le déconseille. C'est un des pires films que j'ai vu cette année. Enfin, c'est le pire film que j'ai vu cette année pour l'instant. J'ai pas vu beaucoup de films, hein, mais c'est vraiment dans. Voilà, il sera dans mon flop, ça c'est sûr. Voilà, allez Morgane, je t'en prie, vas-y. Je te fais le tag, tu peux y aller. Alors. Il y a des films comme ça dont on ne comprend pas le succès. Enfin, je le comprends sans comprendre, dans la mesure où le film plaît pour les raisons. Enfin, pour les raisons que je le déteste, en fait. Alors, déjà, moi, j'étais pas du tout convaincu, même pendant la promo. J'ai senti le film carrément inoffensif à des kilomètres. La promo, elle fait. Enfin, ils s'y croient, c'est vraiment. Ah oui, non, mais et je pense que c'est un peu comme un âne avec une carotte, c'est-à-dire que regardez, on va vous vendre du subversif. Alors moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est pas subversif. Enfin, ça se vend pas comme subversif. Ça se vend comment? Complètement. Si, ça se vend comme insolent. Et je veux dire, au bout d'un moment, et comme méta. Alors voilà, il y a plusieurs trucs que j'ai trouvé insupportables dans le film. Je vais y aller point par point. Vas-y. Alors déjà, je trouve que il ne suffit pas de faire une espèce de mise en abîme de son propre univers en justifiant les clichés et en justifiant les. Enfin, c'est quand même. En fait, tout le film, c'est quand même Deadpool qui dit ce que vous voyez dans les autres Marvel, c'est de la merde. Je vous dis que c'est de la merde. Je vais vous le dire vraiment, mais je vais faire la même merde. Et ça c'est pas cohérent du tout. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Alors moi, je suis pas du tout un hater de Marvel. Au contraire, encore une fois, je vais tous les voir. J'en aime bien certains, j'en déteste d'autres. J'en prends, j'en laisse. Le problème de Deadpool, c'est que il apparaît comme ça. vraiment dans la, avec une démarche que je trouve là pour le coup prétentieuse de dire je vais faire un, je vais envoyer valser tout ce que vous avez vu chez Marvel et là je vais vous mettre de la violence, de l'insolence, des, enfin, je vais aller loin. Mais le film, il va. Mais oh, franchement, si ça c'est insolent, mais mon Dieu, Kick-Ass, c'est un film, enfin voilà, c'est, c'est pendant c'est tout le film. Movie. mais oui, voilà, j'ai cherché un comparatif. Ouais. Je veux dire que non, mais et même par rapport à Kingsman, qui était beaucoup plus insolent, beaucoup plus survolté, beaucoup plus voilà. Moi, je veux dire, enfin surtout, pendant tout le film, j'ai fantasmé parce que alors Deadpool, non seulement j'ai détesté, mais pendant tout le film, j'avais Kick-Ass en tête en me disant, ok, donc ce film Deadpool, c'est le contraire absolu de Kick-Ass, qui lui avait compris la mise en abîme du super-héros, parsemer le film de références méta, de références culturelles, de références geek, etc. Du coup, Deadpool, il est pas du tout là-dedans, il est juste dans la complaisance de sa médiocrité et de sa profonde débilité, parce que je trouve vraiment que le personnage, c'est peut-être dans le comics, mais moi je m'en fous, je ne le lis pas. Donc voilà, comme ça je suis tranquille. Mais pour moi le film il est juste débile. C'est-à-dire qu'il est même pas insolent, il est con. Après, moi j'ai lu, enfin les retours que j'ai eu surtout c'est que c'était, en fait c'était vulgaire quoi. C'est vulgaire, c'est peu. C'est vulgaire et puis c'est, en fait si vous voulez, enfin c'est l'impression. C'est vulgaire et c'est bête quoi. C'est vulgaire et c'est bête, mais en fait ça se complète dans là-dedans parce que le film est vendu un peu comme ça, c'est-à-dire que en gros il se vend, enfin toute sa bêtise et sa vulgarité, en gros il essaye de le déformer de façon à dire oui mais ce que vous voyez là c'est bête, c'est vulgaire, mais au final est-ce que vous avez déjà vu ça dans les films Marvel? Non, donc moi justement je me démarque des autres donc forcément je suis meilleur. Alors que pas du tout, je veux dire on n'a pas besoin, il y a des scènes quand même qui sont gênantes quand tu vois Ryan Reynolds se faire sodomiser par un godmiché en plastique par sa copine. Pour moi c'est pas insolent, c'est juste bête, c'est de juste quoi, con. De quoi j'ai pas entendu? Ah, bah en fait tu vois une scène, je vais répéter ça. Tu vois une scène où t'as Ryan Reynolds qui en gros a une relation sexuelle avec sa copine et en gros sa copine met un godmiché en plastique et elle le sodomise. Lui? Oui. Ah oui d'accord, c'est sympa. Mais le problème c'est que c'était pour la journée de la femme, bon voilà. tu vois, il y a genre un petit truc, tu sais. Mais voilà, mais après le reste c'est complètement. Le problème, c'est que les jeunes qui vont voir ça, qui ont 12, 13, 14 ans et tout, ils vont se dire, effectivement, par rapport à Avengers, le contraste est assez énorme. Ouais. Je veux bien l'entendre. Mais ils vont avoir l'impression de ne pas être pris pour des cons. Alors que, mais bien sûr que oui, je préfère, pour moi, Avengers se fout largement moins de la gueule de son public que ce film-là. Parce que justement, pour moi, c'est un attrape-nigaud, ce film. On met des blagues salaces de façon à ce que pour moi, c'est un piège à jeunes. Les jeunes, ils vont voir ça au collège, ils vont se dire, attends, t'as vu Deadpool, là, t'as vu le moment où il encule sa copine, ah putain t'as vu, attends on est des bonhommes, attends on voit des films pour les grands, et ça c'est un piège pour moi, c'est vraiment prendre le jeune public pour des demeurés, pour en gros le, parce qu'ils ont tellement, effectivement ils ont pas la, enfin il n'y a pas que, nous aussi, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les Marvel, mais en même temps je veux dire si on veut un vrai film subversif avec, parce que le problème, c'est que toute cette vulgarité, toute cette bêtise, son idiotie, sa médiocrité constante et crasse, elle étouffe totalement la mise en scène qui est inexistante, les personnages sont d'une nullité absolue, le coup des X-Men et tout, enfin l'humour méta aussi, l'humour méta j'ai rien contre, par exemple dans Kick-Ass c'est formidable comment il parle de Bruce Wayne machin, c'est formidable les références glissées parce que c'est subtil, parce qu'en même temps tu sens que Matthew Vaughn il maîtrise ses références, il sait de quoi il parle, il est passionné, que là c'est un humour méta qui est martelé toutes les 5 minutes. Je veux dire quand Ryan Reynolds il parle de lui à un moment, enfin le Deadpool, enfin le personnage de Deadpool parle de Ryan Reynolds. Ouais. Il dit oui, tu crois pas que Ryan Reynolds s'il est connu, c'est pas pour. OK, c'est un humour méta mais c'est lourd parce que une fois ça va mais deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est martelé de façon à dire en gros, c'est vraiment j'ai eu l'impression d'être une noix qu'on gavait pour m'en faire un foie gras. C'est ça, on est gavé pendant tout le film d'humour pas drôle et en fait on nous force à rire, on nous tape dessus en disant, on nous secoue en disant mais putain mais allez-y rire. T'as vu c'est drôle putain. Et du coup c'est complaisant, c'est de l'autocomplaisance qui moi m'a gavé et pour moi c'est un piège mais absolu et le scénario est juste mais il est cliché à mort. Tous les enjeux sont faibles, sont attendus. Mais le problème, c'est que tout est juste. Par exemple, la fin. La scène de fin avec la musique. La scène de fin, mais elle est horrible. La scène de fin avec la musique. La fameuse musique romantique au moment où le héros embrasse sa copine. Ouais. Et là, il dit ah, mais non, vous y attendez. Mais le problème, c'est que la musique, il ne l'arrête pas. Ouais. La musique, elle continue. Donc, du coup, il fait les clichés. Enfin, il fait les clichés qu'il dénonce, en fait. Ouais. Voilà. Il utilise les clichés qu'il dénonce. Du coup, c'est pas cohérent. Donc, c'est pour. Mais il noie tout ça. Pour moi, toute la vulgarité, l'humour, c'est un cache-misère. Et c'est bizarre, c'est que ça marche. Les gens adorent ça, alors pour moi, c'est un piège à con, ce truc-là. Mmh, mmh. Ouais, bah ouais, je comprends pas. Et c'est tellement décevant, hein, parce que le personnage est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de texture au personnage dans je sais, j'arrête pas de dire le comics, mais c'est vrai dans le comics. D'ailleurs, au lieu d'aller voir ce film, je vais vous conseiller un comics à lire. C'est à peu près 50 pages et c'est une merveille à chaque page. Ça s'appelle Il faut soigner le soldat Wilson. Vous comprendrez la référence. Et pour moi, ça, c'est un chef-d'œuvre de comment faire le personnage de Deadpool parfaitement avec tout l'humour méta, tout l'humour. Et qui est bien recherché, etc. Voilà, Et pour le coup, si vous n'avez pas envie de lire, si vous n'aimez pas lire comme moi, si vous voulez voir un vrai film de super-héros subversif avec une idée de mise en scène et avec un traitement, un point de vue, vous revoyez Kick-Ass, qui est beaucoup plus beau à regarder parce que c'est plus inspiré, les personnages sont plus travaillés. C'est vrai, Kick-Ass, il n'y a pas que Kick-Ass, tous les personnages existaient. Mm. Big Daddy, Hit Girl, Red Mist, c'était formidable. Ouais. La mise en abyme du super-héros, enfin, Matthew Vaughn avait compris. Et moi, pendant tout le film, je me suis dit, si Matthew Vaughn avait fait Deadpool, ça aurait pu donner un truc énorme. Que là, c'est vraiment, pour le coup, c'est du fanservice, pour le coup, c'est vrai, ouais. Mais pas très. C'est du faux fan service. Ah oui, c'est un piège. Non, pour moi, Deadpool, c'est un gigantesque piège et c'est un piège qui cartonne. Ouais. Voilà. C'est un piège qui fonctionne. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça, ça cartonne. Donc, du coup, je comprends. Enfin, mais après, je comprends qu'effectivement, quand on a 13-14 ans, qu'on voit 13-14-15 ans, on voit Deadpool, on a l'impression de voir un film insolent et parce que c'est trash et tout. Enfin, le film, il est inoffensif. Il y a tellement de films trash qui sont intelligents dans leur écriture et tout ça, ne perdez pas votre temps avec ce film, quoi. Moi, je préfère, quitte à avoir du second degré, parce que Deadpool, c'est même pas du second degré, hein. Mais moi, je préfère revoir Les Gardiens de la Galaxie, qui était plus léger aussi, qui était léger, mais qui avait un univers, qui avait des personnages. Et c'était drôle. C'était drôle, mais carrément. Je sais plus à quoi je disais ça, mais le déhanché de Chris Pratt à la fin, ça étale toutes les blagues de Ryan Reynolds dans le film, quoi. Mm-hmm. Et Ryan Reynolds, il est nul dans le film. De toute façon, le déhanché de Chris Pratt étale tout. Hein. Mais oui, puis c'était drôle. Enfin, il y avait les personnages étaient attachants, il y avait un univers, il y avait quelque chose. C'était pas non plus le film ultime, c'était pas du Sam Raimi non plus. Enfin, si je dois comparer. Mais il y avait au moins quelque chose, j'ai hâte de voir le 2 d'ailleurs, qui sort cette année déjà. Non, 2017. 2017. Voilà. Et mais cette année, on va avoir pas mal de films de super-héros. Et je compte quand même sur mon Suicide Squad et Batman quand même. Captain America aussi. Bon. En espérant que Suicide Squad soit pour le coup subversif. Moi, je m'attends pas. Non, j'espère pas qu'il soit. Je crois plus trop à. Mais en même temps, c'est pas trop ce que j'attends. Et le problème de Deadpool. Suicide Squad, on s'attend quand même à quelque chose d'assez fou et d'assez. Assez violent. Un peu fou. Oui. Un peu fou. Oui, plus violent que humoristique, en tout cas. Mais le seul truc positif qui va ressortir de Deadpool, c'est que maintenant, les studios vont voir que les films classés R, donc moins de 18 ans aux États-Unis, la Walt Disney Company a dit que non, hein, ils ne feraient pas de films interdits moins de 16 ans. Oui, je sais, pour Walt Disney, d'accord, mais bon, on ne s'attend pas à Tony Stark à exploser des têtes. Je ne pense pas qu'on s'imagine voir ça, mais. Enfin, le truc, c'est que c'est principalement eux qui font des films de super-héros. Il y a la Fox et Wolverine, les X-Men, etc., et Wolverine, et d'ailleurs. Le succès de celui-là confirme que Wolverine, le prochain, donc le dernier, sera adapté d'un comics qui est vraiment super violent et qui sera un classé R en moins de 18 ans. Donc ça, c'est un peu le seul truc qui va ressortir. Bon, j'espère que ce sera pas le même réalisateur, le même scénariste. Je pense que c'est surtout le scénariste et le réalisateur qui ont un peu gâché le film, mais voilà. Mais après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que pour nous, en Europe, ça nous paraît pas si violent que ça, du tout, et puis pas subversif. Mais du coup, aux États-Unis, ça suffit. Ouais, non, mais enfin, ils ont des. Non, même ils en ont... France, je trouve que. Attends, à la télé, à des heures de grande écoute, ils ont des séries bien plus violentes que ça. Hein. Quand tu vois qu'ils interdisent. Ils avaient mis en moins de 12 ans, je crois, Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que Harry se faisait un peu couper le bras à la fin. Ouais, d'accord. Bon. Donc, non, mais c'est que tu vois à quel point ils sont quand même hyper tatillants sur le truc. Quoi. Ouais, donc, j'imagine que pour eux, moi j'ai pas vu Deadpool encore, mais j'imagine que pour eux, déjà Deadpool c'est le haut du panier, quoi. Ouais, mais il y a tellement mieux. Il y a des heures de grande écoute à la télé. Mais en même temps, c'est vrai qu'à des heures de grande écoute, ils diffusent The Walking Dead. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc bon. C'est un peu contradictoire. Mais voilà, le seul truc qui va ressortir de bien, c'est qu'on va avoir des films de super-héros classés R qui vont être plus proches de la réalité de ce que sont les comics. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Morgane, ou on peut passer à ton deuxième coup de gueule qui va être encore plus violent, je pense. Oui, on va faire plus court. Ouais. Ça va être plus court, bah oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et puis le truc, c'est que le dernier morceau, c'est un gros morceau. Ouais, c'est un gros morceau, voilà. Non, je suis allé voir Pattaya, le film de Franck Gastambide, donc qui avait réalisé en 2012 un ignoble film qui s'appelait Les Kaira. Donc Pattaya cartonne, voilà, c'est la comédie qui cartonne après Les Tuches. Ah bon? Et ça cartonne, Pattaya. J'en entends pas parler du tout. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui va le voir. Ouais, tout le monde, ouais. Donc, Les Tuches que j'ai détesté, finalement, en sortant de Pattaya, je me suis dit, mais Les Tuches 2, c'est pas si mal finalement. Parce que Pattaya, je parlais de malaise cinématographique en allant voir le film d'Inarritu, que là, j'ai ressenti la même chose devant une comédie. Alors, une comédie se veut drôle, hein, évidemment, c'est un peu le but, mais là, ça l'est pas du tout. Alors, moi, personnellement, j'ai pas ri, mais la salle était littéralement explosée en deux. Alors je suis pas le gros relou, tu sais, le gros troll qui est là, non, vous riez, tu sais, moi je suis pas le bobo de service, hein. C'est drôle, hein. Voilà. Ah bah j'ai pensé à cette âme, elle aurait été là, ce serait éclaté devant ce film là, je peux te le dire. Alors je vais même pas raconter l'histoire, ça n'aurait aucun. Oh pardon, il y a un truc qui est tombé, tu vois, même mon chargeur il a pas envie que je parle de ce film là. Il y a des signes. Il y a des signes. Non, je vais pas parler de l'histoire, ça a aucun intérêt, je vais faire 2 minutes chrono. Non, si vous pouvez vous éviter, mais si vous pouvez éviter de vous infliger une. Enfin, désolé, je n'aime pas du tout dire ce mot-là, mais pour moi, ce film est une merde. Mais vraiment, mais comme j'en ai rarement vu dans la comédie française, alors, j'étais très très, on va dire, méprisant envers Les Tuches, mais finalement, allez voir Les Tuches, certes c'est con, certes c'est pas drôle, mais au moins c'est un peu bienveillant. Que ça, Pattaya, c'est un condensé de méchanceté gratuite envers les femmes, envers les gros, envers les homos, mais tout le monde s'en prend, je veux dire. C'est méchant, bête, vulgaire. Alors la réalisation, je suis obligé de le dire, malheureusement je suis honnête, elle est pas dégueulasse la réalisation, mais c'est l'humour et c'est le scénario qui va pas. Alors d'ailleurs, Franck Gastambide, d'après ce que j'ai cru entendre, son prochain film ce sera un film d'action, et je serais vraiment curieux de voir ce qu'il peut faire, parce que ce mec-là, en tant que réalisateur, il a de la ressource, mais il faut pas qu'il écrive ses scénarios, parce que je crois que j'aurais jamais le même humour que lui. Pourtant, je peux avoir un humour un peu, enfin voilà, à la fois con et à la fois un peu raw, un peu, voilà. Mais là, franchement, Pattaya, je veux dire, j'étais gêné pendant tout le film. La façon dont on parle de toutes les communautés que j'ai citées, c'est méchant pour être méchant, en fait. C'est méchant pour être méchant, alors que Gastambide est un mec très sympa et très timide sur les plateaux télé, donc le contraste est un peu énorme. Je dis pas que lui, Gastambide, est méchant, mais c'est comment j'ai ressenti le film. Bon, puis c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, c'est pas drôle, c'est cliché à mort, c'est stéréotypé, tout est laid, tout est bête, tout est vulgaire, c'est sale. Ne payez pas pour aller voir un mec qui en gros déverse ses excréments face caméra, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ah oui, d'accord. C'est la dernière image du film. C'est un mec qui, c'est Malik Bentala qui en fait il vomit, et pendant qu'il vomit il pousse tellement, vu qu'il a la gastro, que la personne qui est derrière, qui filme avec son téléphone, se prend le jet de merde, et c'est la dernière image du film. Ça a l'air de résumer bien le film, hein. Ouais, non, mais c'est l'humour scatophile, l'humour discriminatoire, enfin non, ça, je peux pas, quoi. Franchement, je peux pas. Mm-hmm. Quand c'est bienveillant, alors, j'ai eu un débat sur Twitter avec quelqu'un qui m'a dit, mais au final, Babysitting 2, c'était un peu, Babysitting 2, il y avait au moins, les personnages riaient d'eux-mêmes. C'était ça aussi qui faisait toute la différence. Que là, les personnages rient des autres. Et, voilà. On est dans la moquerie, on est dans. Bah, je veux dire, dès l'instant où, parce que moi, je suis très très sensible à la discrimination anti-gros, dès l'instant où dans un film, et moi, ça m'a choqué, et j'avais envie de quitter la salle parce que je me suis dit, mais quelle horreur, et les gens rient à ça. Dans le film, on te présente une émission de télé-réalité qui s'appelle Fat Island, où tu mets des personnes obèses sur une île déserte dans le but de leur faire crever de faim, et que tu menaces, et en gros tu les appâtes avec des Kinder Bueno, je trouve ça absolument dégueulasse. De rire de ça, je trouve ça dégueulasse. Alors, je dis pas, enfin voilà, je suis assez sensible à ça, mais je veux dire, c'est dégueulasse dans la mesure, enfin comment c'est fait dans le film. Ça aurait, avec un peu plus de recul, un peu de bienveillance, un peu, ça aurait pu passer. Mais là, c'est trop, c'est méchant pour être méchant. Mmh. Et c'est un humour gras et facile, c'est horrible. Ouais. Donc voilà, l'humour sur les homos, l'humour sur les femmes, enfin tout y passe quoi. C'est horrible, quoi. Puis c'est mal joué en plus, aucun intérêt. Mais ça fera 5 millions d'entrées. Ouais. Mais allez voir les Tuches. Finalement, les Tuches 2, c'est pas si mal. Finalement. D'accord. C'est ok, c'est un peu bête, c'est un peu crétin, mais au moins il y a un petit peu de bienveillance, ça fait un peu du bien. Parce qu'au moins, Barou est pas méchant. Les amis de mes amis sont mes amis. À la limite, voilà, ça fait pas de mal. Moi j'ai vu le premier l'autre jour, mais c'est vrai que c'est très très con, mais c'est. En fait, c'est très con, mais c'est inoffensif, donc ça. C'est inoffensif, il y a aucun mépris, il y a aucune. Voilà, il y a aucun mépris derrière, aucune méchanceté. Et je pense que c'est pour ça que les Tuches cartonnent, parce que il y a un côté, la famille malgré tout est assez attachante. Enfin, je dis du bien des Tuches, moi. Du coup, non, mais c'est vrai que les personnages sont un peu attachants. Tu ris un peu de leur. Enfin voilà, c'est un peu. Puis même, c'est rentré dans la culture. Isabelle Nanty, donc ça peut pas. Oui, Isabelle Nanty, elle est drôle. Enfin voilà, le lundi c'est gratin, le mardi c'est gratin. Oui, après, non, mais elle est très. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un de très drôle au naturel, donc. Voilà. Non, franchement, à la limite, allez voir les Tuches, mais ouais. Parce que vous allez rire un peu. Voilà, bon, c'est pas très fin. Bon, même si le côté l'humour gay à la fin m'a un peu dérangé dans les Tuches. Mais franchement, c'est rien à côté de Pattaya. Pattaya, c'est vraiment, c'est méchant pour être méchant. C'est sale, nul de. Pouf. Ok. Bon, ben voilà. Voilà. voilà. Vous avez nos avis sur plusieurs films là. Je pense que vous avez de quoi voir et de quoi ne pas voir. Hein. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième film du mois de ce podcast qui est déjà trop long, je crois. Mais on va. Ouais. Donc, on va essayer de faire court, mais on va quand même vous parler. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont nous écouter. Antoine, je sais que tu vas écouter ouais, ce message. Antoine, voilà. Big up à Antoine. Antoine, c'est notre. C'est notre. Je crois que c'est Le fan le plus loyal. Ah oui, ouais, il écoute tout. Il écoute tout, il partage. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine. Ouais. Voilà. Merci Antoine. Merci et Antoine. Si jamais un jour tu veux participer, n'hésite pas. Voilà. Non. Merci Antoine. Non, on va déconner quand même. Bah, mon popo, t'es chier. Je t'éconne. Non, mais. How is there? Welcome to Zootopia. Donc on va parler pour le deuxième film du mois de Zootopie, en anglais Zootopia, voilà, parce que on fait toujours la confusion. Donc il est réalisé par Byron Howard et Rich Moore. Il est sorti en France le 17 février 2016 et aux États-Unis aujourd'hui, le 4 mars 2016. Alors faudrait m'expliquer. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça. Pour sortir en France un film américain avant les États-Unis. Mais bon, voilà, je sais pas comment ils ont fait. Au niveau du casting, on retrouve. On va parler de la VF hein, parce que personne l'a vu en VO. Alexis Victor, Marie-Eugénie Maréchal, Pascal Elbé, Claire Keim, Fred Testo, Thomas Gijol, Teddy Riner, Isabelle Desplantes, Pascal Casanova, Xavier Fagnon, il y a aussi Jean-Claude Donda, qui a dit encore Lumna Gourion pour Gazelle. Gazelle, c'est Shakira en VO. Voilà. Donc, qui veut commencer sur Zootopia? D'ailleurs, si tu as bien fait ton boulot, normalement, il y a la musique de Shakira qui doit défiler derrière. Oui, actuellement, ça devrait défiler. Whatever. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non. Moi, je vais commencer parce que je vous écoute parler. Ah, voilà. Oui. Alors, Zootopia. Moi, je l'attendais énormément. Bon, on l'attendait tous. Hein. Oui, c'est un secret pour personne. Et j'ai été... mais honnêtement, j'ai appelé ma maman après l'avoir vu. Et je lui ai dit, écoute, je crois bien que j'ai jamais autant aimé un dessin animé depuis Le Roi Lion. Wow. Ouais. Ouais. J'ai été subjugué, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de Disney, en fait. Ouais. Et je suis super heureux parce que ils prouvent qu'ils sont capables, en fait, de faire aussi bien que Pixar quand ils veulent. Mm-hmm. Et j'espère vraiment qu'ils vont poursuivre sur cette lancée-là. Ouais. Parce que c'est Disney, là, depuis quelques années, c'était forcément, il y avait le libéré, délivré qu'on entend partout, les parents en ont marre, et c'était vraiment l'image qui ressortait de Disney. Et là, c'est bien, ils reviennent avec quelque chose de neuf, de moderne, qui est complètement aux antipodes de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Alors, c'est plein de bons sentiments et tout, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement bien écrit, et puis ça. Les thématiques sont super fortes. Enfin, moi, je m'attendais pas à voir ça du tout. Je savais, je me doutais qu'il y allait avoir des thématiques intéressantes, parce que dans la bande-annonce, on voyait qu'il y avait des animaux qui redevenaient sauvages, donc ça allait un peu contre l'idée utopique de ce monde-là. Et je pensais pas qu'on allait limite aborder des thèmes comme... moi, désolé, mais j'ai vu des trucs un peu comme la radicalisation, comme plein de choses comme ça, et je trouve que c'est parler de ça aux enfants et le faire avec on peut autant, clairement dire le racisme. Le racisme, ouais. Le racisme, les préjugés, la peur de l'autre, plein de choses comme ça. Et je trouve que raconter ça aux enfants avec autant de justesse et en même temps avec autant de tendresse, c'est pour moi c'est prodigieux, quoi. Donc je l'ai pas mis 10 encore parce que je l'ai vu qu'une fois et j'attends de le revoir une deuxième fois pour savoir si oui ou non pour moi c'est un chef-d'œuvre. On en est vraiment pas loin quand même. Mais voilà, pour moi, c'est certainement le meilleur Disney de la décennie. J'étais enchanté en sortant de la salle. J'avais la banane, j'étais hyper heureux et j'ai qu'une envie, c'est de retourner le voir, quoi. Ouais. C'est un film qui fonctionne sur tous les points. C'est que visuellement, c'est tellement fou, beau. Il y a des détails partout. Les textures sont superbes, les décors, les animations faciales. Les animations, même la ville de Zootopia, elle est tellement riche en détails. Enfin, toute la séquence où Judy Hopps arrive à Zootopia avec la musique de Shakira, justement, et qu'elle traverse les différents biomes comme ça, la toundra, la jungle. Ah oui, c'était beau. C'est fou. Et c'est là que tu as toute la majesté, en fait, de l'animation qui se déploie à ce moment-là. C'est très, très fort. Et moi, j'adore les films, en fait, comme ça, qui par de simples plans, parviennent à t'en mettre plein la vue, puis tu sais que derrière, tu as eu un vrai travail de titan, en fait. Et donc du coup, hier, j'ai revu Blanche-Neige parce que je l'ai acheté en Blu-ray et je ne l'avais pas. Et en fait, j'ai pensé automatiquement à Zootopia parce que je me suis dit, c'est marrant, mais celui qui est sorti cette année, je suis en train de revoir le premier long métrage Disney et j'ai vu il y a une semaine ou deux le dernier. Et je me rends compte qu'en fait, sur l'un comme sur l'autre, il y a eu un vrai travail d'orfèvre. Pour moi, c'est vraiment des films d'orfèvre. Je pense que c'est ce qui les définit le mieux, c'est que dans l'animation et... Blanche-Neige plus dans l'animation que dans les thématiques, on est d'accord. Mais je veux dire, au niveau du travail sur l'animation, les décors, le visuel, tout ce qui fait que ce film prend vie, finalement, que ces deux films prennent vie, c'est du travail de... C'est pas maniaque parce que c'est pas froid, mais c'est vraiment... C'est minutieux. Amour, il y a beaucoup d'amour et puis en même temps, tu sens qu'il y a quand même une technique qui est déployée pour arriver à un tel résultat. Et voilà, moi j'ai été subjugué, je m'attendais pas du tout à vivre ça, quoi. Je m'attendais à apprécier, mais de là à partir dans autant d'éloges pour ce film là Voilà. Donc non, je suis vraiment très heureux, puis comme j'ai dit, quoi, c'est que c'est même, ils cherchent pas à réinventer le buddy movie avec ce film-là. Ils se contentent de faire une bonne enquête. Que bon, on voit peut-être quand même certains aboutissants venir, mais je trouve que dans l'ensemble l'enquête se tient bien. Mm-hmm. Pardon. Et puis c'est surtout un prétexte à développer des thématiques très très fortes. Et puis c'est surtout qu'ils le font bien, quoi. Ouais. Okay. Donc, j'aurais pas forcément grand chose à dire plus, mais c'est que ça m'a tellement. Moi j'ai vraiment. J'ai eu la banane, quoi. J'ai lu une critique sur Sens France Critique qui disait. Enfin, le titre de la critique c'était Bonjour, j'ai 9 ans, bah c'est ça, quoi. J'avais l'impression d'être. De redécouvrir mes premiers Disney et de rêver et tout, voilà. Donc, ouais. Bah, d'ailleurs, je vais dire tout de suite que tu as ta critique sur Movies Nerd. Oui. Si vous voulez plus de détails sur ton avis, vous pouvez aller la lire. La mienne, vous pouvez aussi la lire, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas. Elle est plus récente que la mienne, non, on la trouverait plus. Ouais, mais bon, c'est pas. Je suis pas très fier de cette critique, mais bon, au moins vous connaissez un peu mon avis, même si c'est pas super bien formulé, etc. Mais bon. Moi, ce film, je pense que c'est une surprise pour personne, que j'ai vraiment adoré le film, tout autant que toi, Eddie. Je vais juste raconter rapidement, même si c'est, parce que là, on est dans les éloges, etc. Je vais juste retourner un peu sur terre. On parle parler de la première, de ma première séance de Zootopie. C'était un samedi matin, c'était encore les vacances. Je suis entré dans la salle, il y avait pas mal d'enfants, etc. Mais moi, j'ai pas de problème avec les enfants qui sont dans la salle. Bien sûr, c'est un film d'animation, donc ils étaient pas bruyants, etc. Ils étaient très bien pendant toute la séance. Quand le film commençait, j'ai vu un couple assez âgé, donc je pense que c'est des grands-parents qui emmenaient une gamine de 1 an et demi, 2 ans, voir le film. Et ils se sont mis juste derrière moi. Et la gamine a crié pendant tout le film. Elle n'arrêtait pas de dire « Qui c'est lui ? Qui c'est lui ?» Mais vraiment... Elle était dans son salon. C'est ça. Et... Quelle connasse. Non, mais j'irais pas jusque... Non, mais j'irais dire que les grands-parents auraient dû réagir peut-être un peu plus... sévèrement, je ne dirais pas jusque-là, mais... Il disait chut, tais-toi, c'est un cinéma, etc. Mais pas plus que ça. Donc voilà, moi j'ai pas pu. La première séance c'était ma pire séance de tous les temps. Pire séance de cinéma de tous les temps. Même les films les plus chiants, je les ai vus dans le calme. C'était pas les pires séances que j'ai jamais vécues. Là c'était un film que je voulais absolument voir. C'était dans mes attentes le numéro 3. Et voilà, le film a complètement été gâché, j'ai pas suivi l'histoire, je savais pas de quoi ça parlait. Alors que pourtant, faut pas avoir un master pour comprendre ce film. J'étais vraiment déçu de pas avoir pu voir ce film. Donc je vous conseille de ne pas aller voir les films d'animation le matin. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu, c'est la leçon que j'ai retenue. Moi je l'ai vu un matin et ça s'est super bien passé. Ouais, ça dépend des mais il voilà. Y avait beaucoup de parents et d'enfants. Mais moi je dirais que il faut expliquer aux enfants, à 2 ans c'est un peu compliqué aussi, il faut pas emmener des gamins de 2 ans au cinéma. Non. Voilà. Vers 4-5 ans. Faut leur expliquer, et c'est justement ce que les autres enfants faisaient parfaitement, c'est qu'une salle de cinéma, ça se respecte, il faut être dans le calme, etc. C'est pas comme si on était chez soi, c'est un lieu public. Voilà. Donc c'était juste un petit coup de gueule pour dire que voilà, réfléchissez un peu avant d'emmener vos enfants voir ça un film. Ça part d'une bonne intention, voilà. C'est ça. Mettez-lui Blanche-Neige sur la télé, ce sera la même chose. Voilà. Et puis après, j'ai passé ma deuxième séance à 21h un jeudi soir. C'était beaucoup plus calme, il y avait 4 adultes dans la salle. Et je l'ai vu en 3D d'ailleurs. La 3D est pas si mal que ça, c'est un peu flou sur les scènes d'action. Mais à part ça, comme je l'avais vu, je savais à peu près ce qui se passait. Donc. Mais je vous conseille quand même de le voir en 2D. J'ai beaucoup plus apprécié ma deuxième séance. J'étais enchanté par le film. Je l'ai découvert littéralement pendant cette deuxième séance, en fait. Pour moi, tout est parfait dans ce film. La VF est exceptionnelle. Enfin, j'ai beaucoup de mal parfois avec les VF de dessins animés, mais là, tous les acteurs, même les plus petits rôles, enfin, j'ai eu aucun souci avec. Alexis Victor et Marie-Eugénie Maréchal ont vraiment des voix très, très spécifiques et très agréables à l'écoute. On sait quel personnage appartient à telle voix, etc. Et c'est très agréable. Je trouve que ça correspond bien au type de personnages qui sont un peu énergétiques dans la voix pour Judy Hopps. C'est un peu. C'est Fred Testo qui disait qu'il avait adoré doubler Benjamin Clauser. Ouais. Il disait voilà, c'est un personnage généreux et tout, et c'est vrai que c'est vraiment ça, et c'est il fait voilà, c'est typiquement le genre de personnage qu'on prend plaisir à doubler parce qu'ils sont tellement attachants en fait. Ouais, ouais, exactement. Et justement tous les personnages sont attachants. Désolé si je vais offenser les lapins, mais Judy Hopps elle est trop mignonne quoi. voilà. Mais c'est ça, ils sont attachants, mais ils sont attachants, ils sont mignons, puis ils sont c'est pas juste le. Ils sont pas juste là pour ça, quoi. Ouais. En fait. Ouais, exactement. Et voilà, donc au niveau de la VF, c'est vraiment excellent. Au niveau de la réalisation, ça approche de la perfection. Moi, je disais que Disney devrait retourner au film d'animation 2D. Après ce film, je dis... Si on a la même qualité que ça, c'est leur nouvelle ligne artistique, il n'y a pas de problème. En plus, j'étais pas surpris de savoir que c'était... quand je suis allé voir le film, je ne m'étais pas renseigné sur les réalisateurs, mais Byron Howard, c'est celui qui a réalisé Réponse, un de mes films de Disney préférés, au niveau de son humour et au niveau de sa réalisation. Bah, Réponse, et, oui, c'est super voilà, c'est vraiment super drôle, et on ressent ça au niveau de Zootopie. Au niveau de l'écriture, c'est super marrant. On se bidonne vraiment sur certaines scènes. Bien sûr, il y a la scène avec le paresseux qui est attendu, mais en même temps, on voit un peu plus que ce qu'on avait eu pendant la bande-annonce. Donc, c'est toujours marrant. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? La musique de Michael Giacchino, comme d'habitude, hein, c'est parfaite. Voilà, excellente. De toute façon, vous l'entendez. Ce mec est un génie. Ce mec, c'est le nouveau John Williams, et je dis pas ça légèrement. Hein. Ah oui, mais je pense que là, c'est clairement légitime, quoi. Tout ce qu'il touche, c'est ça super. Devient de l'or. Ah oui, non, mais c'est qu'il il arrive vraiment à choper le truc dans chaque. Quand il crée, c'est quand il fait des BO de toutes pièces, comme pour Zootopie. Ça fonctionne très bien, puis quand il en reprend, comme pour Star Trek ou Star Wars, non pas Star Wars, Jurassic Park, Jurassic World, il chope le truc qui fait mais c'est vraiment, c'est parfait au niveau de la musique. Qu'est-ce qui encore, le scénario, oui, ben on a dit tous les sous-textes sont super intéressants, et c'est risqué pour Disney, hein. c'est pas quelque chose qui est facile à aborder, et c'est fait avec tellement de subtilité et tellement d'intelligence que ça passe vraiment super bien. Et que les références mais déjà un film qui parodie Le Parrain et Breaking Bad, je suis désolé, mais alors moi le Breaking Bad, j'ai pas trop remarqué parce c'est avec le mouton dans le costume jaune, tu sais. D'accord. Et puis il parle de Walter et Jesse qui vont arriver, donc c'est les personnages principaux de tu vois, faire une référence Breaking Bad dans un film d'animation, faut quand même y aller, quoi. Donc voilà, c'est pour moi, ce film mérite toute mon admiration. Je vous le dis sans me cacher, c'est vraiment mon film d'animation préféré de chez Disney. Il a dépassé Mulan, qui était mon film d'animation préféré. Je prendrai autant de plaisir à le revoir une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, dès qu'il sortira. Moi, j'attends en Blu-ray. J'attends le Blu-ray, voilà, avec impatience. C'est, comme on disait avec Morgan, c'est vrai que parfois les éditions Blu-ray de chez Disney, c'est souvent des bons masters, mais les coffrets sont pas toujours. Moi, j'ai envie d'un méga coffret avec. Mais en fait, ce qu'il faut pour les Disney ou les Pixar, c'est qu'il faut acheter le Blu-ray 3D pour avoir les bonus, etc. Parfois le Blu-ray seul, il y a pas tous les bonus, je trouve. C'est vrai. Ouais, donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu bon. Voilà, c'est la politique Disney. De toute façon, ils vont se faire encore plein de fric avec ce film, et bon, c'est même pour une fois, c'est mérité. Et voilà. Donc j'espère qu'il va vraiment marcher. Je pense qu'il fonctionne. Hein. Bon, après, on n'a pas les résultats aux États-Unis puisqu'il est sorti aujourd'hui. Enfin, oui, alors ça, je le savais pas. Je l'apprends ce soir. Ouais, voilà, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais bon, voilà. Morgane, t'étais assez silencieux pendant toutes ces séquences, on veut savoir ton avis. Mais oui, parce que je buvais vos paroles, je suis d'accord. C'est, peut-être pas vu le Roi Lion, mais en tout cas depuis Lilo et Stitch, c'est vraiment le Disney que j'ai préféré. parce que déjà on revient à tout ce que j'aime chez Disney, parce que moi les histoires de princesses c'est pas mon truc, à part les standards, hein, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, mais moi la Reine des Neiges je suis pas fan. Réponse, j'aime bien, mais sans plus, c'est pas non plus c'est après, sympa à regarder. Réponse, c'est... ça prend un petit peu à contre-pied histoire de princesse, voilà, tout en gardant l'essence de ce qu'est une princesse. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai plutôt aimé d'ailleurs. Bon, la princesse et la grenouille, j'ai pas du tout aimé, mais c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de. Bah, c'était un cycle, hein, le cycle de la princesse. Et d'ailleurs, retourne bientôt avec Moana, qui va sortir sûrement ce. Ouais, et qui du coup serait une princesse différente. Ouais, voilà, donc. Alors, j'attends de voir. Je le sens pas énormément celui-là. On verra. Mais le sujet a l'air intéressant. Moi, j'aime bien les artworks qui sont sortis, me paraissent intéressants. Après, on verra. Donc, bah, j'ai adoré l'univers. Les personnages sont super bien écrits, tous en plus. Hein. Y a pas, En plus, je trouve qu'ils tombent pas tellement dans la facilité du. Alors, je vais comparer avec la Reine des Neiges. Hein. Y a un truc qui m'a dérangé dans la Reine des Neiges. Ah. C'est que. Il faut toujours qu'on mette dans un Disney, bon, c'est un peu le running gag de service, mais un peu le personnage idiot. Tu sais, Olaf, tout ça. Que là, il n'y a pas un personnage idiot, même. Alors, on parle des paresseux, mais les paresseux, ça dure quoi, 3 minutes dans le film? Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai revu les nouveaux héros récemment en Blu-ray, du coup, aussi. Et c'est vrai qu'il y a un personnage dans les nouveaux héros qui est doublé par Donald Renew. Oh putain, c'est le pire lui. Qui a son costume un peu de lézard là. Ouais. Manquait le comique de service. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de comique de service dans ce film. Dans celui-là, non. Et en fait, et ça fonctionne bien. Après, bon, même si moi j'aime beaucoup Olaf dans La Reine des Neiges, parce que je trouve qu'il est. Évidemment, il n'a pas décroché la lune, mais il n'en demeure pas moins attachant et. Et drôle quoi. C'est vrai qu'Olaf, pour moi, ça reste très facile et pour le coup, ça reste très. Oui, c'est facile, mais ça fonctionne quoi. C'est fait pour vendre des peluches là pour le coup. Là, bon, là, forcément, comme tout Disney, on a envie. Enfin, moi, je veux ma peluche, je veux le lapin. Enfin, voilà, ah oui, y a pas de problème. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai adoré voilà, les personnages, malgré. Enfin, voilà, ce sont des animaux, mais très humains dans leur comportement finalement. C'est anthropomorphe, on n'avait pas vu des animaux comme ça chez Disney depuis Romain depuis un moment. Ouais. Ah oui, voilà. Ils ont la capacité de parler des sujets. Là, pour le coup, je trouve qu'ils vont quand même assez loin. Parce que ça parle quand même politique assez frontalement. Il y a vraiment un propos politique assez fort, plus qu'à l'accoutumée. Hein. Je trouve que c'est assez culotté de parler de ça. Surtout dans les temps qu'on connaît. Surtout en Amérique. Aux États-Unis, avec Donald Trump et compagnie. Enfin, je trouve que c'est quand même dingue que le film le plus engagé politiquement soit un film d'animation. Enfin, ce soit du Disney. Quoi. Je veux dire, Disney, à la base, c'est la féerie, pour ne pas dire, on va dire. Bon, même moi, je sais ce que mais ce qui est super, c'est que la féerie, elle est là en plus. Elle est là, mais bon, c'est vrai que Disney, on voit ça comme un espèce de gros truc naïf qui met des étoiles. Mais justement, c'est ce que les gens ont comme image. Mais c'est Disney, un peu la caricature de Disney. Enfin, c'est ça, alors que Disney, c'est plus profond que ça en a l'air. Tu vas pas être d'accord avec moi, mais pour moi, la Reine des Neiges, il se fait cracher dessus à cause de la chanson et tout ça, et parce que la morale à la fin, c'est que l'amour peut nous sauver et tout. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Mm-hmm. Mais c'est un exemple de hype qui peut tuer un film. Hein. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça que j'ai aimé. En plus, c'est que tout le propos politique derrière, c'est servi par un univers qui est extrêmement riche. Comme tu l'as dit, Ellie. Visuellement, le film, il est absolument incroyable de beauté. C'est-à-dire que la scène où on explore, ça a tombé par terre, c'est vrai que mais incroyable. Et même sur la, il y a même aussi, ça vient de me revenir en tête. Il y a énormément de références cinématographiques. Je veux dire, il y a un moment où on nous fait un peu un espèce de Godzilla dans la ville, tu sais, des souris. Ouais, le jeu sur la perspective et tout. Les tunnels à hamster qui passent d'immeuble en immeuble. Enfin, c'est plein c'est de petits ingénieux, trucs comme ça. Et puis, même les membres, tous les personnages sont drôles. Tu sais, les petits hamsters qui se déplacent en troupe. Ouais. Je trouve ça absolument. Le trafic de glace à l'eau. Enfin, pour moi, c'est un classique. Dès que je l'ai vu, celui-là, je me suis dit que c'est un grand classique. Exactement. Et c'est le meilleur Disney que j'ai vu. La réaction que j'ai eue, c'est que c'est super compliqué à définir. C'est que j'étais assis, j'avais vraiment l'écran gigantesque en face de moi, parce que j'étais dans la plus grande salle. Et il y avait des images comme ça, des séquences, et tout de suite, c'est enfin rester imprégné quoi. Il y avait il y avait un truc qui se passait et je savais que voilà, ça je sais, je me rappellerai toute ma vie. Mm-hmm. Ça je sais que voilà, ça c'est référence, ça va devenir culte machin et ça je savais que moi ça allait de enfin que pour moi dans ma cinéphilie à moi, ça allait devenir quelque chose d'important enfin et c'est rare en fait de vivre ça. J'ai ressenti exactement la même chose. Et en fait quand tu te rends compte que quand tu vis ça sur des films, c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment des films qui sont capables de toucher et d'autres non. Et Zootopie, en fait, c'est totalement ça. C'est que à partir du moment où t'as des réactions comme ça, tu te dis que non, c'est pas, il se passe pas rien quand même. C'est pas juste c'est pas juste le Disney de l'année. C'est pas juste la tradition Disney annuelle. C'est non, il y a vraiment autre chose. C'est plus fort. Quoi. Ouais. Je suis d'accord. Non, c'est très très grand. Enfin, pour moi, le Disney à son meilleur, c'est-à-dire elles sont plus créatives, elles sont plus drôles, elles sont plus profondes. C'est un vrai menu best-of parfait, quoi. C'est la recette, voilà. Et en plus, le film, bah là, à l'heure où on enregistre, enfin, à la date où on enregistre, le film est sorti depuis plus le 4 mars, là, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, donc aujourd'hui. Aux États-Unis, enfin, oui. Et apparemment, il marche plutôt bien. Ouais. Première journée marche plutôt bien. Ouais, voilà. Et puis, j'en parlais avec Eddie juste en off, mais personnellement, moi, je l'ai trouvé super émotionnel le film, surtout à la fin où on voit Judy Hopps qui voit les deux gamins jouer au football et qui dit que la vie, ça paraît, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il faut s'y habituer. Enfin, il faut faire des efforts pour. Voilà, pour vivre en communauté, etc. Il y a la fameuse... Parce que, après, c'est pareil, le film prend beaucoup de recul sur les autres productions Disney. T'as, le chef de la police qui lui sort « Mais qu'est-ce que vous croyez, Hops, la vie, c'est pas une comédie musicale, on n'est pas délivré comme ça. » Oui, et là, pour le coup, voilà, si on veut parler du méta qui est drôle et de la mise en machin, de l'autocritique... Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Celui qui vole les oignons au début, qui se retrouve avec les DVD pirates, là. Ça, oui, c'était aussi oui, super avec marrant. Les, oui, c'est avec génial. Les films qui sont déjà sortis et les films qui sont même pas encore sortis. Oui. Voilà, il y a plein de petits coups de génie dans ce film et c'est... c'est ça. En fait, il y a énormément dans les grosses lignes, le film est excellent, mais quand tu regardes dans les tout petits détails, tu sens bien que tout a été minutieusement travaillé, pensé. C'est ça, c'est pas seulement fort en surface, c'est que dès que tu creuses, tu te rends compte que tout a un sens, que tout est logique. Enfin, c'est un engrenage parfait. Moi, j'attends quand je vais voir un Disney. Quand je vais voir un Disney, j'attends que ce soit beau. Et ça fait longtemps que je suis pas sorti d'un Disney en disant. J'ai vu un truc de magnifique, la scène, évidemment. Mais, et même la BO, la musique de Shakira, elle est absolument magnifique. Très bien. Et pleine de sens, justement, dans ses paroles par rapport à ce qui se passe dans la tête de Judy Hopps. Bien meilleur que la musique de Rihanna dans En Route. Oh là là, mais qu'est-ce que tu parles de En Route quand on parle de Zootopie, quoi. C'est... Bon, voilà, on a à peu près tout dit. Je pense qu'on ne vous le conseillera jamais assez de voir ce film. Allez le revoir. Enfin, faites passer le mot parce que beaucoup de monde, en cours, il y a du monde qui me dit « Bon, t'as vu Zootopie, c'est bien, est-ce que ça vaut le coup ?» Et moi, je le conseille vraiment, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va le voir de son plein gré. Alors que pourtant, il a eu une bonne promo. Moi, j'ai envie qu'il marre juste pour avoir une super édition Blu-ray prestige et tout. Quoi. Je veux un master aussi bon que sur le Roi Lion ou la Belle et la Bête. Faut que ça fonctionne. Quoi. Après, je sais pas si une suite serait nécessaire. Une suite, je veux un super bon Blu-ray. Bien sûr, mais. Voilà, c'est toujours en fait un truc délicat avec Disney, c'est parce que dès qu'il y a un truc qui va fonctionner, genre La Reine des Neiges, pour prendre un exemple, on va avoir une suite, ou des éditions, enfin des petits films télé, etc. Tant que ça reste dans le court-métrage, ça me gêne. Oui, dans le court-métrage, ça va encore, mais un deuxième film, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que le premier. La Reine des Neiges, y a pas besoin d'un deuxième film. Oui, ils vont quand même le faire. Ils vont le faire, mais ils n'ont pas besoin, ça c'est juste de toute façon le jour où on verra une suite d'un film Disney qui sera bien faudra m'appeler parce que à part Bernard et Bianca je pense que c'est la suite est très bien pour moi c'est une des meilleures suites mais c'est meilleur que le premier encore je pense que moi je préfère le Au pays des kangourous que le premier Oui, moi je préfère la suite que le premier. Ouais, j'aime bien le premier aussi. Mais... Oui. Ah donc, oui, voilà. Donc voilà. Zootopie, on en a parlé. Allez le voir, absolument. Et puis voilà, on va passer à la fin de l'émission. Enfin, à mon avis, on en reparlera en fin d'année. Ouais, on en reparlera en fin d'année. On va en reparler. Je pense qu'on va beaucoup parler de plein de films qu'on a parlé là. Je pense qu'on en parlera beaucoup en fin d'année. Oui. Steve Jobs, vous êtes sûr qu'il sera dedans. Alors là, Zootopie, Steve Jobs, The Revenant, ils seront là. Moi, Zootopie, à mon avis, sans vous spoiler mon futur top 10. Ce qui est dingue, Eddie, il me semble, c'était pas le premier dans ton top d'attente 2016, il me semble. De qui? Zootopie, tu te souviens, on avait fait le podcast de fin d'année. Si, ça devait être dans les premiers. Oui, là, je sais, c'était une attente et t'as été encore plus conquis. C'est ça qui est formidable. Commencer une année comme ça, c'est génial. C'est merveilleux. Moi, j'en veux tous les ans. Donc voilà, on vous conseille énormément et puis on en reparlera pendant cette année et à la fin de l'année. Et on va passer tout de suite à la fin de l'émission. On est donc à la fin de ce podcast. On avait prévu qu'il était long, qu'il serait long, et ben il est long. Donc en même temps, on n'a pas eu le choix. On a vu les films qu'il y avait. Oui, mais Antoine, je suis sûr qu'il nous écoute là. Voilà, encore coup pour Antoine. Mais merci à tout le monde d'avoir écouté. Non, mais attends, Antoine, tu nous écoutes, mais tu ne le sais pas encore. Voilà, c'est ça. Voilà. c'est donc, un bug de la matrice pour le moment. Voilà, c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous deux d'avoir participé. Et puis vous pouvez retrouver nos critiques, nos podcasts et nos émissions sur moviesnerd.net. Vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, moviesnerd et sur Twitter movies_nerd. Vous pouvez aussi, ce que j'oublie à chaque fois et ce que je devrais rappeler en fait, c'est d'aller, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur SoundCloud, sur PodCloud ou sur le site directement, mais ce qui serait bien de faire, c'est d'aller mettre quelques étoiles sur le store de iTunes. Justement, on a parlé de Steve Jobs, donc c'est le moment de le faire. allez mettre 5 étoiles et puis un petit commentaire, et puis comme ça, bah, ça nous permet de monter dans le classement iTunes et de nous faire plus connaître. Donc voilà. Je pense que j'ai dit tout pour Movies Nerd. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à TheLexal et sur Sens Critique à TheLexal aussi. Voilà. Eddie. Donc pareil sur Sens Critique, Facebook, Movies Nerd et sur Twitter, donc Eddie Stark. Ok. Morgan. Alors moi, Twitter @cinemorgan, Morgan Cinémaniac, les deux marchent, et sur Vodcaster Cinémaniac. D'accord. Voilà. Ok. Merci encore d'avoir écouté, on se retrouve le mois prochain. Je pense qu'on aura aussi un programme assez chargé, je crois qu'il y a pas mal de films qui sortent en mars. Et on aura du lourd, du très très. C'est ça, exactement. Donc restez connectés et puis à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. The West, always cool, he's the best. He keeps alive with this cult 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.